السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 21 d'Ul-Qa'da 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 19 octobre 2011 bi-idhnillah azza wa jalla. Nous sommes inshallah ta'ala aujourd'hui avec le troisième fondement, le fabuleux livre de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, alayhi rahmatullah, les six fondements. Donc dans le premier fondement, nous avions vu que ça parlait de sincérité, que le premier fondement nous exhortait à être sincères envers Allah Azza wa Jalla. Ensuite on est passé au deuxième fondement. Attendez que je me rappelle qu'est-ce que c'était quoi le deuxième fondement. Une seconde pour me rappeler. Deuxième fondement. Taïf, qui se rappelle du deuxième fondement, inshallah ta'ala? Sur la division, barakallahu fik. On a lu et écouté aussi tous les dalils que yani, l'auteur a cités en ce qui concerne le fait que la division était interdite en islam et qu'il fallait s'unir et se réunir et se regrouper tous autour de Kitab al-Sunnah, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, alayhim rahmatullah. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans le troisième fondement, c'est parler de yani, le fait, ou bien l'exhortation, du fait d'obéir au gouvernant musulman, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam, même s'il fait les grands péchés, bi'idhnillahi ta'ala. Donc l'asmu al-Salit, il a dit « Anna » ou bien « Inna » d'après, yani, d'après les versions. « Min tamam al-ijtima al-sab'u ta'atu liman ta'ammar alayna walau kana abdan habashiyya. » Donc, l'une des conditions de l'union parfaite consiste à témoigner soumission et obéissance au gouvernant même s'il est esclave abyssin, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ نعم بِوُجُوهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا. Allah Azza wa Jal a expliqué ce principe, c'est-à-dire le fait d'obéir au gouvernant, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. Donc Allah Ta'ala a montré cela de façon exhaustive sur les divers plans de la législation et du destin. ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصْلُ لَا يُعْرَفُ عِنْدَ أَكْفَرِ مَنْ يَدَّعِ الْعِلْمَ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ. Ensuite, c'est-à-dire par la suite, ce principe devint étrange pour la plupart des pseudo-savants. Alors comment le mettre en application. S'il est déjà les pseudo-savants, pour eux, ceci n'existe plus, qu'en est-il pas pour yani, le fait d'aller essayer d'appliquer cette chose. Le Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah, dit Qawluhu, c'est-à-dire lorsque l'auteur a dit Anna min tamam al-ijtima' as-sam'u ta'a ila akhiri. C'est-à-dire lorsqu'il a dit l'une des conditions de l'union parfaite consiste à témoigner soumission et obéissance au gouvernant, même s'il s'agit d'un esclave abyssal. Il a dit, ذكر المؤلف رحمه الله تعالى, l'auteur a cité, عليه رحمة الله, أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة بولاة الأمر, بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من عبد الحبشي. Il a dit, c'est Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله, que l'auteur, عليه رحمة الله, a cité que ça faisait partie d'une des conditions de l'union parfaite, c'était à point de témoigner soumission et obéissance au gouvernant, même s'il s'agit d'un esclave abyssal. قوله تبين الله هذا بيانا شائعا كثيرا. Ensuite, il a dit que Allah Azza wa Jal a expliqué ce principe de façon exhaustive, tant sur le plan de la législation que sur le plan du destin. Le Cheikh dit, rahimahullah, أما بيانه شرعي. Quant à son explication sur le plan juridique. Parce que l'auteur a cité que Allah Ta'ala avait montré qu'il fallait obéir au gouvernement musulman. Il l'a expliqué tant sur le plan juridique que sur le plan universel et le plan du destin. Le Cheikh Rahimallah, Cheikh Ibn Uthaymin dit maintenant, quant à son explication et quant au fait que Allah Ta'ala l'ait montré sur le plan juridique, il a dit Billahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça, il l'a montré. Qu'est-ce que ça veut dire juridique? Juridique, ça veut dire qu'il l'a montré dans le Coran, par des versets, il a montré ça aussi dans la sunna, en se basant sur des hadiths. Il a dit Famin bayani fi kitab Allah Ta'ala kanta. Quant au verset qui est en rapport avec cette base-là, le fait d'obéir au gouvernant, il a dit, comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate, verset numéro 59, il a dit Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Remarquez avec moi, juste une petite remarque. Remarquez avec moi que Allah subhanahu wa ta'ala a cité les trois côtés, si je puis dire, auxquels on doit obéir. Il a dit obéissez à Allah. Ensuite, obéissez aux messagers, et il a dit aussi à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc il y a trois auxquels on doit obéir, trois. Mais pour les verbes, le verbe obéir, combien de verbes il a employé? Il a employé seulement deux verbes. Il a dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Pourquoi il n'a pas dit encore et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement? Pourquoi il n'a pas employé ici le verbe? Alors qu'il nous demande, d'obéir à ceux qui détiennent le commandement. Mais il n'a pas employé le verbe. Il s'est suffi, quant au verbe obéir, il s'est suffi seulement à, il l'a annexé seulement pour Allah et pour le messager. Quant au gouvernant, il a dit, et à ceux d'entre vous. C'est-à-dire, ma'touf seulement. Pourquoi? Les savants disent, car pour obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, on lui obéit directement. Pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui obéit directement. Quant à ceux qui détiennent le commandement, les gouvernants, on ne leur obéit que s'ils essaient de faire une chose qui ne se contredit pas avec ce qu'a dit Allah Ta'ala et ce qu'a dit son messager. C'est-à-dire que l'obéissance au gouvernant n'est pas une obéissance en elle-même, mais c'est une obéissance à condition qu'ils nous ont demandé d'obéir à Allah et à son messager, ou à la rigueur, de ne pas quoi contredire ce qu'a dit Allah Azza wa Jal, ce qu'a dit son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il n'a pas employé le verbe avec eux, avec les gouvernants. Ensuite, un autre verset, Sourate Al-Anfal, verset 46. qui nous exhorte à obéir au gouvernement. Allah Ta'ala dit wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Il a dit wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Allah nous a dit, et ne vous disputez pas. Sinon, il va vous arriver de fléchir et perdre votre force. Donc, pour que on garde toujours notre force, hein, ce n'est pas possible si on n'obéit pas au gouvernant qui est musulman. Ce n'est pas possible, hein, qu'il y ait révolte contre un gouvernement musulman et qu'on soit tous unanimes et qu'on soit tous unis. C'est pas possible. Et Allah Ta'ala a dit aussi dans Surat Ali Imran, Surat Ali Imran, verset numéro 103, il a dit Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc, ça c'est certains versets. Maintenant, on va voir dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir quels sont les hadiths qui exhortent à obéir aux gouvernants et à ne pas, yani, à ne pas se révolter contre eux. Ça y est. Maintenant, on va citer, inshallah ta'ala, des hadiths qui ont rapport avec le cours. Il a dit, Cheikh rahimahullah, wa min bayani fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma thabata fi sahihain. Il a dit ce qu'il y a comme dalil dans la sunna, ce qui a été rapporté dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, min hadith Ubada ibn Samit, d'après le hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu. قال إلى دي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. Ce sahabi a dit, nous avons donné pacte d'aller messager sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de l'écouter et de lui obéir en tout ce dont nous étions satisfaits ou bien que nous n'aimions pas. Vous avez remarqué, le pacte d'allégeance, c'est pas seulement tu donnes le pacte d'allégeance d'obéir dans seulement les choses qui te conviennent. Mais ce sahabi radiallahu ta'ala anhu a dit, on a fait pacte d'allégeance d'obéir, hein, d'obéir dans les choses dans lesquelles nous étions satisfaits, mais aussi dans les choses que nous n'aimions pas. Il a dit, wa rusrina wa yusrina. C'est l'allégeance d'obéir aussi bien dans les choses difficiles à faire, à exécuter, de même que dans les choses faciles. Wa asaratin alina. On a fait aussi allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui obéir, même s'il y a, et on remarque qu'il y a accaparement, même s'il y a accaparement qui empêche nos droits. C'est-à-dire que moi, quand je donne allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au gouvernant après lui, pas seulement dans les choses qui sont, yani, qui me sont utiles ou là, qui rentrent dans mes intérêts. Mais même si je vois qu'il y a accaparement et que le gouvernant ne me donne pas mes droits, il les empêche. Mieux encore, ce qui m'appartient, il le donne à ses amis, à sa famille, à ses connaissances. Il a dit, je lui fais toujours allégeance. Pourquoi? Parce que je ne vis pas, le vrai musulman, je ne vis pas pour ce bas monde. Moi, que le gouvernant prenne ce qu'il veuille, c'est grave pour lui, pas pour moi. Moi, je ne vis pas pour ce bas monde. C'est-à-dire, s'il me donne, c'est un bon gouvernant, s'il ne me donne pas, je lui déclare la guerre. Quand on est tkfirion. Les tkfirion, la khawarij. Si le gouvernant me donne un morceau de terrain, me donne une villa, il me donne, ah, le gouvernant, il est mashallah. Mais s'il ne me donne pas, celui-là, il faut le combattre. Comme a dit Allah, فَإِنْ أُعْطُوا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Allah Ta'ala a dit, si on leur donne, ils sont satisfaits. Mais si on ne leur donne pas, yani, ils se révoltent. Non. Donc je termine le hadith, il a dit, on a fait aussi l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas lui disputer le commandement, de ne pas disputer le commandement à ceux qui détiennent le pouvoir. Illa, il a dit, illa antaraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Sauf, il a dit, si vous voyez une mécréance claire et évidente sur laquelle vous avez une épreuve, pas une épreuve, une preuve, sur laquelle vous avez une preuve provenant. Non. Donc, quand est-ce que j'obéis pas au gouvernement, je lui obéis pas, s'il me demande de désobéir à Allah Azzawajal et à son prophète, ou bien s'il est mécréant. Non. Il y a deux cas où je n'obéis pas au gouvernement. Le premier cas, s'il est mécréant, et le deuxième, si quoi? S'il est musulman, mais il m'ordonne de désobéir à Allah Azzawajal et à son prophète. Dans ces deux cas, je n'obéis pas au gouvernant. Mais remarquez, pour la question de mécréance, s'il est devenu mécréant, il n'est pas, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Remarquez là, si vous voyez, na'am, illa antaraw. Donc, il faut que ce soit une question de vision, il faut que je vois, na'am. Une mécréance, il a dit clair, clair, évident. Ce n'est pas j'ai des doutes. Est-ce qu'il est mécréant ou il n'est pas? Ou bien il y a une divergence. Il a dit, il faut que ça soit clair, évident, sur laquelle vous avez une preuve provenant d'Allah. Sur laquelle vous avez une preuve provenant d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve qui va provenir d'Allah Subhanahu Azza wa Jal, c'est sûrement pas les gamins et les talibouines qui vont connaître ça. Ça, c'est comme a dit Cheikh Islam, rahimahullah, il a dit, ça ne revient qu'aux grands savants. Non, les grands savants qui peuvent te dire que cette personne est devenue kafir ou bien il n'est pas devenu kafir. Toi, tout ce que, toi, le maximum que tu puisses dire ou faire, c'est de dire, cette personne, ou là, ce gouvernant-là, pour moi, il a fait du kafir. Il a fait quoi? Du kafir. Il a dit une parole de mécréance. Il a fait un acte de mécréance. Mais est-ce que la mécréance est retombée sur lui? Est-ce qu'il est devenu kafir? Ce n'est pas à toi de le dire. Ce n'est pas ton ressort. Ce n'est pas ton problème. Et tu n'as pas les moyens, la science nécessaire pour pouvoir donner ce jugement. Car il y a une différence entre dire il a fait le kafir et dire il est devenu mécréant. Une différence entre dire il a dit le kofre et dire carrément il est devenu mécréant. Je donne un exemple très simple. Moussa alayhi salam. Comme c'est cité dans le Coran. Lorsque Allah Ta'ala a dit, lorsqu'il s'est énervé, en revenant, après avoir parlé à Allah Ta'ala, quand il est revenu, il a trouvé, il avait laissé son frère Haroun. Il a trouvé que les gens avec lesquels il a laissé Haroun, en quoi, entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré le veau. Qu'est-ce qu'il a fait en s'énervant? Il a jeté l'alwah. L'alwah, c'est les psaumes sur lesquels étaient écrits quoi? Étaient écrits la parole d'Allah. C'est à peu près comme de nos jours le Coran. La parole d'Allah, elle est dans le mushaf, dans un livre qui s'appelle le Coran. Autrefois, c'était écrit sur des choses, yani, par exemple, comme en marbre ou quelque chose, en argile ou bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, salam, salam, Moussa. Il a jeté les psaumes et se sont cassés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la parole d'Allah Azza wa Jal sur le sol. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, apparemment, ce geste-là? C'est un geste de mécréance, ce geste-là. Est-ce que Moussa alayhi salam est devenu kafir? Pour les takfiriyoun, il est devenu kafir. Pour nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Il n'est pas devenu. Pourquoi? Il y a un empêchement. C'est quoi l'empêchement? Il a fait ça sous l'emprise de la colère. Sous l'emprise de la colère, au point il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui fait le kofre et quelqu'un qui devient kafir. Al-Muhim. Ensuite, il a cité le deuxième. Ce hadith, bien sûr, se trouve dans le Bukhari. Le hadith que je viens de citer, de l'allégeance, se trouve dans le Bukhari muslim. Ensuite, le deuxième hadith. Wa qala alayhi salam. Et le prophète alayhi salam a dit, Men ra'a min amirihi shay'an, celui qui voit quelque chose chez son gouvernant de blâmable, fal yasbir, qu'il patiente. Fa innahu man faraqa al-jama'a, car quiconque s'écarte de la communauté, un nampon, c'est tout, pas d'un mètre, un nampon. Fa mata fa mitatuhu jahiliya, car quiconque s'écarte de la communauté, ne serait-ce que d'un nampon, puis meurt, sa mort sera une mort de l'époque de l'anti-islam, l'époque du paganisme. Non, l'époque du paganisme. Donc, quelqu'un qui meurt, non, sans avoir fait l'allégeance au gouvernant avec lequel il vit, non, ou bien à un gouvernant musulman sur terre, et il ne veut pas patienter, il s'écarte, il fait comme on fait les takfiriyoun et les khawarij, si maintenant il meurt dans cet état, il n'a pas une allégeance sur le coup, il a dit quand il va mourir une mort de l'époque de l'anti-islam, et ce hadith est un hadith authentique, bien sûr, rapporté par Bukhari et rapporté par Muslim aussi. Et le prophète aussi a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a dit, من خدع يدا من الطاعة لقي الله يوم الحجة له. Il a dit, quiconque désobéit au gouvernant rencontrera Allah Ta'ala le jour de la résurrection sans excuse. C'est-à-dire que aucune personne qui s'est révoltée ici, dans cette dunya, contre un gouvernant musulman, ne peut avoir une excuse, Yom al-Qiyam, et ne peut être excusé. Le hadith est clair, et le prophète Sassoum a fermé toutes les issues et les portes. Il a dit, il n'aura pas d'excuse. C'est pas la peine qu'ils disent, Ya Allah, j'ai lu le verset qui a dit ceci, j'ai entendu X dire cela, j'ai lu un hadith. Quiconque désobéit à un gouvernant, et ce gouvernant est musulman, non. Ce jour-là, le jour de la résurrection, il n'aura aucune excuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'avance, il est perdant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, il a dit, Isma'u wa ati'u, écoutez et obéissez. Écoutez et obéissez. Wa in umira alaykum abdun habashiyun, même si c'est un esclave abyssin qui vous commande. Écoutez et obéissez. Même si celui qui vous commande, naam, le gouvernant qui vous commande, c'est un esclave, d'abord, et il est d'Abyssinie, naam, d'Éthiopie. Il n'est même pas un esclave d'Arabie Saoudite. Naam, c'est un esclave qui vient d'Abyssinie. Même dans ce cas, il faut quoi? Il faut lui obéir et ne pas dire pourquoi j'obéis à celui-là, c'est un esclave. Ou là, il est noir de peau, ou là, il ne vient pas de mon pays, ou là. Tout ça n'a rien à voir avec l'islam. وقال عليه الصلاة والسلام et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, il a dit al muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Il a dit, il est obligatoire pour le musulman d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il est, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, illa, sauf أن يؤمر بمعصية. Sauf si on lui ordonne un péché, de faire un péché et de désobéir à Allah Azza wa Jal. فإذا أمر بمعصية, si maintenant on lui a ordonné de désobéir à Allah Azza wa Jal ou à son prophète, فلاس, pas d'obéissance, pas d'écoute. Pas d'obéissance, pas d'écoute. Malgré cela, les savants disent, c'est clair que c'est interdit d'obéir à qui? D'obéir à un gouvernant musulman qui m'ordonne de désobéir à Allah Azza wa Jalla et à son prophète. Mais malgré cela, ce n'est pas obligé de montrer ça à tout le monde. Ce n'est pas obligé d'aller dire aux gens qu'il ne faut pas donc faire cette chose et ceci, cela. Non, il t'a ordonné de faire cette chose, ne la fais pas. Ne la fais pas. D'aller remplir les gens. Non, les remplir et leur dire, voilà ce qu'il m'a fait, donc on doit se révolter contre lui et on doit faire ceci et cela. C'est pour cela que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a dit, supposons que le gouvernant musulman, non, t'interdise quelque chose qui est halal. Et qui te dise, par exemple, à partir d'aujourd'hui, il y a une loi qui dit, c'est interdit de manger, par exemple, les bananes. C'est un exemple, c'est interdit de manger les bananes. Allah Azza wa Jal a permis de manger la banane. C'est interdit. Mais il n'a pas dit c'est interdit, c'est-à-dire c'est haram. S'il dit c'est haram, il devient kafir. Non, il reconnaît le caractère licite de la banane. Il a dit, mais je ne veux pas qu'on la mange dans mon pays, par exemple, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, à cause de, disons, Irtisad, à cause de l'économie, à cause de ceci, à cause de cela. Il a dit, il n'y a pas de banane, on ne mange pas la banane. Il a dit, est-ce que mettre de la manger ou c'est pas permis? Il a dit, c'est permis de la manger, mais c'est interdit de la manger dans la rue. Car si tu la manges dans la rue, ça veut dire que tu défies le gouvernant. Tu le défies, tu lui dis, toi tu dis c'est interdit. Moi je te montre que c'est pas interdit, je mange. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit non. Mange, parce que c'est toujours halal. Mais mange chez toi, mange dans la maison. Naam. Ne montre pas ton adversité à qui? Au gouvernant. Et aussi aux gens qui vont te suivre. Ils vont faire des groupes, ils vont faire une armée, et ils vont se... Waqala alayhi salatu salam, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, Man baya imaman, quiconque a fait l'allégeance à un gouvernant. Fa'a'tahu safaqat yadihi, il lui a donné la paume de sa main. Autrefois, quand on faisait l'allégeance, on la faisait en donnant la main. Wa samara taqabbih, tout ce qu'il a de plus cher dans son cœur. Dans son cœur. Il lui a donné l'intention qu'il y a aussi dans le cœur. Il a dit, falyuti'hu in istata'a. Il a dit, alors qu'il lui obéisse tant que cela est possible. In ja'ahu akhar yunazi'uhu. Maintenant, si jamais il y a une deuxième personne qui vient, maintenant veut rivaliser avec le gouvernant qu'il y a. Le gouvernant envers lequel on vient de faire l'allégeance, maintenant il y a un autre qui vient et qui demande à le rivaliser. Il a dit, Fadribu runuq al-akhar. Alors il a dit, frappez la tête, coupez la tête du deuxième. Dans un autre hadith, il a dit, Ka'inan man kan. Il a dit, même si c'est n'importe qui, sans voir, sans dire c'est qui celui-là. Il est de quelle famille? Est-ce que l'ABC? Il a dit n'importe qui. Si vous avez déjà donné allégeance à un gouvernant, ensuite il y a quelqu'un qui dit, moi je veux prendre sa place, il a dit, celui-là, il faut lui couper sa tête. Subhanallah l'Azim, pour que vous sachiez que tout ce que font maintenant, ce qu'on appelle les partis musulmans, ce qu'on appelle dans la démocratie, que dit c'est la démocratie. Même le gouvernement lui-même m'a permis de créer un parti et de rivaliser et de poser ma candidature pour les présidentielles. On leur dit, tant qu'il y a déjà un président, même entre parenthèses, voire deux forces, avec l'armée et les chars et les Kalachnikovs, ce n'est plus permis de le rivaliser. Il faut qu'il reste dans son poste jusqu'à ce que ou bien il décide de quitter, ou bien il meurt. C'est comme ça en islam. Ou bien il décide de quitter, ou bien il meurt. Donc ce n'est pas permis à quiconque, même s'il fait un Hezbollah, un parti ou là, de dire je vais rivaliser et je vais poser ma candidature pour la présidentielle pour que je prenne sa place. Celui-là, le prophète a dit, il faut lui couper sa tête. Il faut, car il vient faire la fitna, il vient rivaliser, et maintenant, il va se passer ce que tout le monde sait. Donc tout cela, Cheikh Rahimallah dit, c'est que Allah Ta'ala a montré tout cela sur le plan juridique. Maintenant il a dit, wa amma bayanuhu qadaran. Maintenant on va montrer sur le plan du destin et sur le plan universel. C'est-à-dire on va laisser la législation de côté et voir maintenant ce qu'il y a autour de nous et la réalité. Il a dit, wa amma bayanuhu, yani min jihat al-qadar, فإن حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه. Il a dit personne, yani, ne... c'est-à-dire il a dit c'est très clair maintenant, non? C'est très clair maintenant, si on va voir autour de nous, et on va méditer comment qu'était la communauté musulmane autrefois, lorsque elle était, elle tenait vraiment à son dîn, lorsque elle était vraiment regroupée autour de son dîn, lorsqu'elle était mu'awlat umuriha, lorsque vraiment elle respectait yani son gouvernant, la communauté d'autrefois, lorsqu'elle respectait son gouvernant, munqada lahum bil ma'ruf, lorsqu'elle obéissait au gouvernant dans le ma'ruf, dans les choses yani qui se font. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Kanat la siyada wa dhuhur, non, elle avait la force, elle avait la suprématie sur toutes les autres nations, fil ard, sur toute la terre, comme a dit Allah Azza wa Jal dans sourate An-Nur verset 55. Il a dit wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat, Allah Ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il leur a promis? Allah Ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim, qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Na'am, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, et qu'il leur donnerait aussi à leur religion. Na'am. Il a dit kama istakhlafa min qablihim wa min وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, et que même il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ, à condition, il a dit, ils m'adorent et ne m'associent rien. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Puisque la parole il est absent, je vais essayer de vous donner moi-même le verset, inshallah ta'ala. Et Ibn Muhammad, Ibn Muhammad, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il a promis. Est-ce que Allah azza wa jalla change ses promesses? Est-ce que Allah azza wa jalla change ses promesses? Il n'y a qu'un kafir qui peut dire ça. Donc Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis que ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, qu'il va leur donner la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Donc la succession, ce qu'on appelle maintenant, on dit le califat. Le califat, comment qu'il va venir? En faisant le vote, en déposant les candidatures pour la présidentielle. Il a dit non. Allah Ta'ala donnera ça à qui? À quiconque fait les bonnes œuvres. Naam. À quiconque va croire et fait les bonnes œuvres. Naam. Il a dit, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, califa. Pourquoi? Ils l'ont eu parce que ils ont cru et ils ont vraiment fait les bonnes œuvres. Et ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il leur donne aussi? Il leur donne la force et la suprématie à leur religion qu'il a agréé pour eux. Et aussi, qu'est-ce qu'il va leur donner? Il va leur changer leur ancienne peur en sécurité. À deux conditions. Il m'adore et ne m'associe rien. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit il m'adore et ne m'associe rien? Pourquoi il n'a pas dit seulement il m'adore? Adorer Allah Ta'ala, ça suppose que on ne doit pas lui associer. Mais, ainsi il a dit, ils doivent m'adorer et ne m'associer rien. Pourquoi? Car beaucoup de gens adorent Allah Azza wa Jalla et font de l'association. Comme il a dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْفَرُونَ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Il a dit, Naam, certes, beaucoup de gens croient en moi, mais en même temps, ils font le shirk. Vous comprenez? Ils croient, par exemple, au tawhid rububiyya, ils croient au tawhid de la seigneurie, mais ils font le shirk dans le tawhid de la divinité. Naam, ils reconnaissent c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Il reconnaît que c'est Allah qui fait tomber la pluie. Il reconnaît que c'est Allah Ta'ala qui fait mourir. Il reconnaît que c'est Allah Ta'ala qui fait guérir les gens. C'est comme ça, mais il fait quand même du shirk. femmes tournent autour des tombes, il va chez le divin ou là le devin, il va chez le sorcier et comme ça. Il fait du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un verset, il a dit dans sourate Al-Hajj, il a dit وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Il a dit وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Il a dit, ceux qui, sinon sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la salat, ils acquittent la zakat, ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toutes choses appartient à Allah Azzawajal. Donc Allah Ta'ala, quand il nous donne la puissance sur terre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accomplir la salat, faire la zakat, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Non, ce n'est pas, on doit s'accaparer des biens et désobéir à Allah Azzawajal. Mais plutôt on doit faire ce que Allah Azzawajal a cité dans ces versets. Le Cheikh Rahimallah dit, وَلَمَّا أَحْدَثَتِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَمِيَّةُ مَا أَحْدَثَتْ Et lorsque la communauté islamique a fait ce qu'elle a fait, وَفَرَّقُوا دِينَهُمْ Et ils ont divergé dans leur religion et ils ont émietté leur religion, et ils se sont révoltés contre leurs gouvernants, je veux dire gouvernants musulmans, et ils les ont même combattus, et sont devenus des sectes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que alors leurs ennemis à ne plus les craindre. Classe. Les ennemis maintenant n'ont pas peur des musulmans. Non. Est-ce que par exemple les juifs maintenant, tu leur dis par exemple les musulmans, est-ce qu'ils ont peur? Ils n'ont pas peur. Pourquoi? Ils savent que les musulmans maintenant, c'est rien. Non. Ils ne sont pas regroupés, ils ne sont pas unis. La preuve, je vous donne une preuve très simple. Par exemple les juifs, les sionistes, ils frappent par exemple Palestine et ils savent que aucun pays musulman ne va bouger. Aucun pays musulman ne va seconder Palestine. Aucun pays musulman ne va se joindre à eux. Pourquoi? Parce que ils se sont chacun parti de son côté. Ils ne sont plus comme autrefois une seule main. Une seule main. Maintenant, chaque pays est devenu indépendant de l'autre. Chaque pays dit que chacun s'occupe de ses propres problèmes. Donc les juifs savent que les musulmans ne sont plus forts comme autrefois, ils ne sont plus unis comme autrefois. Donc, ils sont devenus une proie facile. Les musulmans sont devenus une proie facile. Il a dit, فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا Donc maintenant le devoir, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, notre devoir, notre grand devoir, رُعَاتٍ وَرَعِيَا C'est-à-dire, gouvernant et gouverné. أن نقوم بما أوجب الله علينا. Qu'on doit quoi? On doit revenir vers Allah Azza wa Jal et exécuter, obéir à ses ordres. من التحب. C'est quoi ici ses ordres? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord s'entraîner. والتعاون على البر والتقوى. Et s'entraider dans le bien et le convenable, dans ce que Allah Azza wa Jal aime. والإيش صالح. Et on doit tous s'unir, s'unir pour, autour d'eux, nos intérêts, les intérêts de la communauté, لِنَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ pour qu'on soit parmi les gagnants, وَعَلَيْنَا أَن نَجْتَمِعَ عَلَى الْحَقِّ وَنَتَعَاوَنَ عَلَيْهِ Et c'est obligé aussi pour nous de nous grouper, de converger autour du haqq, autour du haqq, وَنَتَعَاوَنَ عَلَيْهِ Et on s'entraide pour le haqq, وَأَن نُخْلِصَ On doit être sain dans tout ce qui découle de nous. Non, tout ce qu'on fait, tout acte qu'on fait, on doit être sincère dans cet acte envers Allah Azza wa Jal. et qu'on doit tous avoir un seul but, un grand but entre nos yeux. C'est quoi ? Wa islah hadhihi al-umma. Faire de sorte que cette umma, cette communauté, na'am, redevienne comme elle était auparavant. Na'am, revienne vers Allah Azza wa Jal. Dinan wa dunyawiyan. Na'am, il a dit, pareil, doit réparer cette umma, yani, tant sur le point religieux que sur le point de la dunya. Na'am, biqadri ma yumkin. Na'am, dans la mesure du possible. Il a dit, wa man yumkina dhalik hatta tattafiqa kalimatuna. Il a dit, et ça, yani, atteindre ce but-là n'est possible que si on s'unit d'abord. Si on s'unit d'abord, notre parole va s'unir. Et yani, on doit s'éloigner des disputes entre nous. Dispute-là qui yani, ne permet pas, qui ne permettent pas d'atteindre le but. Pire que cela, ces disputes et ces divergences, qu'est-ce qu'elles font ? Non seulement on n'arrive pas au but, mais encore, yani, des fois la chose, des fois on a une chose, hein, et on la détruit. On a des choses acquises, et pourtant on les détruit. On les détruit à cause de toutes ces divergences. Ensuite, il a cité le verset où Allah Azza wa Jalla a dit « Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuslimun » Pour vous les croyants, craignez Allah Azza wa Jalla comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. « Wa'tasimu bihablillahi jami'an » Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, au câble d'Allah Azza wa Jalla. « Wa'tasimu bihablillahi jami'an » Wa la tafarraqu » Et ne soyez pas divisés. « Wa la tafarraqu » Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah Azza wa Jalla lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé, vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. Voilà ce que a dit Cheikh Rahimahullah en ce qui concerne ce troisième fondement. Mais nous, Inch'Allah, dans le prochain cours, bi'idhn Azza wa Jal, on va citer beaucoup d'autres choses que Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah n'a pas cité, car il a été très succinct ici. Dans ce troisième fondement, alors que ce troisième fondement est vraiment, vraiment, vraiment très important. Vraiment, vraiment très important, vu les sectes qu'il y a aujourd'hui et vu les égarements qu'il y a aujourd'hui, gens, des khourous, des khawarij, des takfir. C'est pour cela que le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, vous entendrez beaucoup de choses sur le fait d'obéir au gouvernant tant qu'il est musulman et sur les choubouhettes. Les choubouettes et les ambiguïtés des takfiriyins bi'idhnillahi ta'ala. Sans tarder, je dis subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, et je donne, inshallah ta'ala, yani, je vous donne la parole pour yani, poser vos questions bi'idhnillahi ta'ala, tafadhal. Ou alors, attendons 5 minutes, inshallah ta'ala, le temps que vous vous prépariez. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais juste bloquer mes PV pour pas en recevoir maintenant. Voilà, c'est fait. Mon cher, il y a beaucoup de questions en rapport avec le cours, Inch'Allah. Donc je vais les poser. On commence par la première. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Comment se comporter avec les takfir? C'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas au gouverneur. Donc comment se comporter avec les gens qui n'obéissent pas au gouverneur en règle générale? Donc est-ce qu'on doit les boycotter ou leur passer ça? Deuxième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Supposons qu'on voit une mécréance claire chez un de nos gouverneurs musulmans. Devient-il permis de se révolter contre lui, sachant qu'on risque de faire couler le sang et provoquer le trouble dans le pays? Donc comment faut-il agir envers un gouverneur que les savants ont rendu kafir? Faut-il dans ce cas se révolter, cher? Barakallahu fikum. Troisième question. Il n'y a pas de question dans ça. Troisième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. C'est la question d'une sœur. Un peuple peut-il se rebeller contre son gouverneur lorsque celui-ci se dit musulman et qu'il le torture ou qu'il interdit le voile aux femmes? Quelle est donc la meilleure façon de se rebeller? Quatrième question, toujours une sœur. Comment, à notre niveau, pouvons-nous conseiller le gouverneur si nous voyons qu'il a fauté? Barakallahu fikoum. Et cinquième question. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-il possible dans la religion de ne pas faire allégeance à un gouverneur musulman, car il préfère gouverner avec la démocratie et la république, pour certaines raisons? C'est-à-dire ne pas se rebeller contre lui, ne pas le rendre mécréant, lui obéir, mais on ne lui prête pas allégeance. Barakallahu fikum, cher. Alhamdulillah. De toute façon, ce qu'il y a aujourd'hui de particulier, c'est qu'alhamdulillah, yani, toutes les questions en rapport avec le cours. C'est dire que ce sont des points yani, qui laissent beaucoup de gens, qui sont chez beaucoup de gens des points d'interrogation, là, qui, yani, des choses qui les embarrassent. Là. Donc, alhamdulillah, que jusqu'à présent, il y a les 5 questions, alhamdoulilah, mashallah, en rapport avec le cours. Il y en a encore 10. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam que beaucoup de questions vont, yani, converger vers la même chose. Yani, beaucoup de questions, vous allez remarquer que ça tourne toujours autour de, disons, la même question. Disons, autour de la même base, bi'idnillahi ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, avant que je commence, je cherche quelqu'un, une seconde. Bon, on commence, inshallah ta'ala, par la première question. Comment se comporter avec les gens du takfir? Les gens du takfir, qui, je dis, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam, ashraf al-mursalin, les gens du takfir, qui sont des gens de la bid'a, on va se comporter envers eux comme on se comporte avec les gens de la bid'a. Comment Al-Sunnah ou Jama'a se comporte avec les gens de la bid'a? Il voit. Est-ce que cette personne qui fait partie du takfir, de la bid'a, est-ce que c'est une personne des gens de la masse ou bien c'est une personne Zama, c'est des talibul ilm ou Zama des savants parmi eux? Si c'est quelqu'un des gens de la masse, on va voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui, ça y est, il a le cœur scellé, ou bien c'est quelqu'un qui accepte. Qui accepte, par exemple, qu'on discute avec lui, qu'on fasse une polémique, qu'on ceci, cela. Si c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la masse, et qui en même temps accepte, yani, entendre autrui, accepte qu'on lui donne des preuves, etc., celui-là, on doit lui faire la da'wa. Mais si c'est quelqu'un encore scellé et qui ne voit plus, il est aveuglé et il ne connaît que ses preuves à lui et il refute tout ce qu'on lui dit, celui-là, il faut l'éviter. L'éviter et yani, s'isoler de lui et s'exiler de lui. Pourquoi? Parce qu'il risque de donner le virus. Il risque de donner le virus à une personne qui ne s'est pas bien armée avec quoi? Elle ne s'est pas bien armée avec les versets, les hadiths et les paroles des savants. Car si tu vas rentrer dans un salon de kfiri, tu vas entendre des versets et des hadiths. Non. Mais toi, tu vas dire, Masha'Allah, ils ont cité des versets et des hadiths. Mais si tu étais bien armé, tu vas dire tout ce qu'ils disent est faux. Tout ce qu'ils disent n'est pas dans son endroit. Je donne un exemple très très très très simple. Très simple pour qu'on se comprenne. Tout à l'heure, je suis tombé en naviguant comme ça, chercher une chose, je suis tombé sur un forum de takfir. Par exemple, là, j'ai lu là-bas où un takfiri a dit, en parlant du négus, vous connaissez le négus, Najashi, qui était gouvernant en Abyssinie autrefois. Vous savez que c'était le des chrétiens. Non, il avait gouverné les chrétiens. Le Mouhim, il est rentré en islam. La preuve, c'est dans le hadith Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui, un quelqu'un de bienfaisant, insan salih, est mort. Et puisqu'il n'y avait personne pour faire la prière là-bas sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui avec les compagnons. La guide et les compagnons, il a fait la prière sur de l'absent, sur ce mort, yani al-Najashi, rahimahullahu ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que j'ai lu sur le forum? Nous, quand on dit on tekfiri, on leur dit, regardez, al-Najashi hada, d'Abyssinie, il est mort, na'am, sans avoir jugé avec le jugement d'Allah. Il n'a pas jugé avec les jugements d'Allah. Il a vécu assez longtemps après quoi? Après être devenu musulman. Il avait le temps donc de juger avec les lois d'Allah. Mais il n'a pas jugé. Donc, comment se fait-il qu'il, d'un côté, il n'a pas jugé et de l'autre, le prophète Aslam ne l'a pas rendu mécréant et a fait la prière sur lui? Car le prophète Aslam ne fait la prière que sur un musulman. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, donnez-nous une preuve. Un seul savant qui dit que, preuve qu'il n'a pas jugé avec les lois d'Allah. C'est-à-dire que d'après les tekfiri, le négus a, yani d'une façon, yani avec certitude et conviction, qu'il a jugé avec les lois d'Allah. C'est pour cela que le prophète a fait la prière sur lui. Donc, en lisant ça sur un forum de tekfiri, quelqu'un qui n'a pas de science, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Allahu Akbar, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le négus a dû juger avec les lois d'Allah. Sinon, c'est impossible. Il serait devenu mécréant et le prophète sallam, n'aurait pas fait la prière sur lui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, donnez un seul délire. On va leur dire, d'accord. Vous, les tekfiris, vous citez beaucoup Ibn Taymiyyah, ça, et vous reconnaissez sûrement avec nous que Ibn Taymiyyah est l'un des grands savants des salafs. Ils disent, d'accord. Alors écoutez ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Écoutez, une seconde, je vous dis ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, justement en parlant du négus, écoutez ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, où est-ce qu'il a dit ça, Cheikh Issam, où est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça dans, pour vérifier, son livre Minhaj Sunna Nabawiya, tome numéro 5, page 112, il a dit, وكذلك النجاشي et aussi le Négus وإن كان ملك النصارى même s'il était le roi des chrétiens فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام. Il a dit son peuple ne lui a pas obéi dans le fait de rentrer en islam. Bel, mais par contre إنما دخل معه. Attendez, lire la page pour que je puisse lire tout à la fois. Il a dit دخل معه نَفَرٌ مِنْهُمْ. Mais il a dit, seuls quelques-uns l'ont suivi. وَلِهَذَا لَمَّا مَاتَ. C'est pour cela. Lorsqu'il est mort, لَمْ يَكُنْ هُنَكَ مَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. Il n'y avait personne pour faire la prière sur lui. فَصَلَّ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc le prophète a fait la prière sur lui, بِالْمَدِينَ, à Médine. خَرَجَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُصَلَّى. خَرَجَ بِالْمُسْلِمِينَ. Il est sorti avec les compagnons. Il y en a des musulmans, c'est-à-dire des compagnons, au Moussallah, à l'endroit pour faire la prière sur le mort, face à Farum, les amis en rang, wa sallah alayhi, et il a fait la prière sur lui, wa akhbarahum bimouti, et il leur a appris sa mort, yomemet, le jour où il est mort, wa qad, et il a dit, inna akhan lakum, un frère à vous, salih, pieux, min ahli al-habasha met, il est mort aujourd'hui. Écoutez maintenant ce qu'il dit. وَكَثِيرٌ مِنْ شَرَاعِ الْإِسْلَامِ. Et beaucoup de lois de l'islam. Ou alors, la plupart des lois de l'islam. لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِيهَا. Ce Najashi n'est pas, c'est-à-dire il ne les a pas appliquées. Pourquoi il a dit لِعَجْزِهِ عَنْ دَلِكَ. Parce qu'il ne pouvait pas. Entre autres, il a dit فَلَمْ يُهَاجِرْ. Il n'a pas fait la hijra. Alors qu'il pouvait. Peut-être qu'il pouvait, hein. وَلَمْ يُجَهِدْ. Il n'a pas fait le jihad. وَلَا حَجْ. Il n'est pas parti au hajj. بَلْ رُوِيَ. Mais on a rapporté أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي. Qu'il ne faisait pas la prière. لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَمْسِ. وَلَا يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ. Ni a jeûné le ramadan. وَلَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةَ. Ni l'a fait la zakat. لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يُظْهِرُ عِنْدَ قَوْمِهِ. يَظْهَرُ عِنْدَ قَوْمِهِ فِي ces choses-là. Donc, son peuple aurait bu ces choses-là, fayunkiruna alayh, il n'aurait pas accepté de lui. وَلَا يُمْكِنُهُ مُخَالَفَتُهُمْ Mais il ne peut pas les contredire. Écoutez ce qu'il dit la dernière phrase. وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا Ibn Taymiyyah. Et nous, on sait d'une façon indubitable, dans laquelle il n'y a aucun doute, أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ que أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ que il n'avait pas pu quoi juger entre eux avec les lois du Coran. Eux, ils disent qu'il a jugé avec les lois du Coran. Taymiyyah dit non, il ne m'a pas jugé avec les lois du Coran et c'est impossible qu'il fasse pas, qu'il fasse cette chose car il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, non. Tome 5, page 112, pour ceux qui veulent, inshallah ta'ala, revenir à ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. El-Mouhim, je reviens à ce que je disais. Je disais, maintenant, si le takfiri est un savant, quelqu'un, il y a un savant pour eux. Il n'y a pas de savant takfiri, ça n'existe pas. Contredit le hadith, les versets, il dit, je suis un savant. C'est pas possible. Si maintenant, c'est quelqu'un qui est connu chez eux, comme Abu Qatada al-Falastin et les autres, ceux-là, carrément, il faut mettre en garde contre eux et faire tout en possible pour le montrer à la Oumma qui sont-ils. Qui sont-ils pour qu'ils ne soient pas suivis, bi'idhnillah, subhanahu azza wa jal. Spécialement pour Abu Qatada al-Falastini. Spécialement pour celui-là, vous pouvez dire aux gens une seule chose. Dites-leur, celui-là, il n'arrêtait pas de faire des vidéos et des audios qu'ils envoyaient ici en Algérie pour dire au peuple qu'il fallait se révolter contre le gouvernement car il ne jugeait pas ici en Algérie, car il ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Dites alors que celui-là, sur le Falastini Abu Qatada, celui-là, quand on l'a voulu l'extrader d'Angleterre vers son pays d'origine, la Jordanie ou bien la Palestine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre une femme comme avocat, une avocate. Ils ont même cité son nom. Autrefois, je le connaissais, je l'ai oublié. Je ne sais pas comment elle s'appelle, une avocate, une kafira, pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle le défende, Allahu Akbar. Pour qu'elle prenne les lois de Napoléon, les lois des Anglais, je ne sais pas qui ils suivent, et qu'elle dise la loi numéro 12 a dit, l'article numéro 13 a dit, etc. Pour qu'il n'aille pas, qu'il ne soit pas extradé vers son pays d'origine, mais la peur là-bas du gouvernement musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit aux gens, attention, c'est kufr. Vous êtes des kuffars si vous ne jugez pas avec les lois d'Allah. Et lui-même, il prend une avocate pour qu'elle le défende avec les lois du shaitan. Il n'a pas honte devant les gens, il n'a pas honte devant Allah Azza wa Jal. Que fera-t-il demain lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal? Il va lui dire, toi, tu faisais la da'wa aux gens, tu leur disais, attention, les kuffars, ce sont les kuffars, et toi, le premier, tu es allé choisir une femme, même pas un homme, même pas un avocat. Alors le hadith est clair, « Lin yufliha qawmun wallaw amraum imra'a » Jamais un peuple qui va donner ses problèmes à une femme ne réussira, comme a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Si au moins il avait choisi un homme, une femme, une avocate, qui va juger avec les lois de Napoléon, de je ne sais qui, du kuffar ou l'ayyadu billah. Al-Mu'im. Aussi, j'insiste vivement sur le fait de ne pas avoir de contact avec les takfiris. De ne pas avoir de contact avec les takfiris. Je connais une personne ici sur le parcours, qui n'arrêtait pas de me contacter, etc. Je vous l'ai dit peut-être une ou deux fois. Cette personne, c'est un jeune homme, c'est un reconverti, un Belge. Et vous savez, le nid du takfir se trouve à Bruxelles. Vous devez savoir ça, Al-Mu'im. Alhamdoulilah, celui-là, il est rentré en islam et il est rentré vers le minhaj. Al-Sunnah ou Jama'a. Il commençait à assister à mes cours, les cours de les repères de la Sunnah, etc. Mais qu'est-ce qui faisait la faute? Il rentrait beaucoup dans les salons de takfir. Je lui dis, Taqillah, il s'appelle Ismaël. Ismaël Taqillah, Ismaël Taqillah, on va donner des ambiguïtés. Ismaël Taqillah, tu es nouveau, tu ne peux pas. Tu es jeune, tu n'as pas de science, tu n'es pas vacciné. Quand même il rentre. Et jusqu'au jour où j'ai appris quoi? J'ai appris qu'il a apostasie. Et maintenant, si vous rentrez dans le salon en Europe, le salon, qu'est-ce qu'il fait lui? Subhanallah al-Azim, il fait maintenant la da'wah pour dire que Jésus, c'est le fils d'Allah. Tout ça à cause de qui? À cause des takfiris. Il ne rentre pas dans le salon de takfir. ont donné des ambiguïtés. Il n'a pas voulu entendre. Il a été puni. Maintenant, si au moins il était devenu takfiri, au moins. Mais celui-là, il est sorti carrément de l'islam. Pour la deuxième question, quand on voit une mécréance claire, faut-il se révolter? Je dis, supposons que le gouvernant ait fait une mécréance claire. Je dis, il est possible que il y ait des empêchements et toi tu sais pas. C'est pour ça que la mécréance claire doit être vue d'abord par les savants. Toi, moi, on n'a pas de science. On n'a rien. On a lu un ou deux hadiths, on a lu quelques versets, on croit que, classe, on connaît bien l'islam. On ne connaît rien de l'islam. Non. Toi, tu vas dire il est kafir. Le savant, il va dire non, il n'est pas kafir. As-tu oublié cette ou cette chose? Tu vas dire, ah, subhanallah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Donne un exemple très simple. Attendez, quel exemple je vais donner? Il y a tellement d'exemples. Pour la personne, on va dire à une personne, que penses-tu d'une qui va dire que Allah Azza wa Jal c'est mon serviteur? On va dire, Ya Allah, vous êtes mon serviteur. La réponse, c'est sûr, c'est de la mécréance, il n'y a pas plus de mécréance que ça. Nous, nous sommes les serviteurs d'Allah, c'est pas lui qui est notre serviteur. Donc, je te dis, une personne va dire Allah, et il lui a dit Allah, tu es mon serviteur. Il va dire Allah, donc cette personne, elle est kafira. Je te dis, viens, on va demander à un savant. Il va dire, pourquoi il a dit ça? On va lui dire, il a dit ça, sans faire exprès. Il était tellement content, tellement une grande joie, qu'il voulait dire, Ya Allah, je suis ton serviteur. Il a dit Allah, tu es mon... On va dire quoi? Donc il est excusé. Pourquoi? Car comme a dit le hadith, il a dit, Akhta'a min shiddatil farah. Il a dit, il s'est trompé tellement il était content, tellement la joie était grande. On a cité tout à l'heure le verset de Moussa alayhi salam. Il s'est trompé, il a jeté les psaumes, tellement la colère était grande. Maintenant, ce hadith que je viens de citer dans le Bukhari, il s'est trompé, tellement la joie était grande. C'est pour ça qu'en islam, il est interdit au juge de juger dans le tribunal. Avec les lois islamiques, il ne juge pas s'il est très content. Ou s'il est quoi? Ou s'il est très en colère. Dans les deux cas, c'est intéressant. Quand on est très en colère, on ne sait pas ce qu'on dit. Si tu vends quelque chose, la vente est invalide. Si tu divorces ta femme, elle est invalide. Tu dis quelque chose de coffre, c'est invalide, ça ne compte pas. Pourquoi? Comme a dit le prophète, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il a dit La talaqa fi irlaq. Il a dit il n'y a pas de talaq. La femme n'est pas divorcée si quelqu'un est énervé au point où il ne sait pas ce qu'il dit. La même chose si quelqu'un est vraiment content, il peut dire n'importe quoi. C'est pour ça que yani, ce qu'il dit, ça ne compte pas de lui. Maintenant, supposons que les savants ont dit que X, des gouvernants, est devenu mécréant. Est-ce que donc, ça enjoint qu'il faut se révolter? Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Les savants ont dit pour se révolter. Même si le gouvernement est un kafir à 100%, un juif, un sioniste, a pris les rênes du pouvoir. Celui-là, il n'y a pas de doute, c'est un kafir. Est-ce qu'on doit se révolter? Ils ont dit se révolter ou ne pas se révolter dépend de quoi? Dépend de la capacité. Est-ce qu'on est prêt à se révolter ou on n'est pas prêt? Est-ce qu'on a les armes? Non, comme a dit Cheikh Al-Albani. Il a dit, si on doit se révolter contre un gouvernant, on doit mettre dans l'esprit que si ce gouvernant, quand on va se révolter contre lui, on doit avoir le même niveau d'armes de préparation que lui. S'il a le nucléaire, on doit avoir le nucléaire. S'il a les, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec le laser, on doit avoir comme lui. Et il a dit, si maintenant on sait à peu près qu'il va faire appel à un autre pays, aux États-Unis par exemple, on doit aussi se préparer à avoir la même chose que ce qu'a les États-Unis. Quand tu veux te révolter, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit avoir quoi? Le qudra. Les savants disent, celui qui n'a pas la capacité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des doigts et tu te prépares. Tu te prépares. Comme s'est préparé le prophète, comme il est resté à Médine, en train de se préparer, à la Mecque, en train de se préparer, 13 ans. 13 ans, en train de se préparer jour et nuit, jusqu'à ce qu'il s'est bien préparé, ensuite il est sorti. C'est C'est pour ça que les savants citent ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari qu'à la fin du monde, la fin des temps, lorsque viendra le Messie Dajjal, l'Antéchrist. Donc, Gog et Magog, en ce temps-là, il y aura Isa alayhi salam, ce qu'ils appellent Jésus. Il sera sur terre. Naam. Que fera Jésus alayhi salam quand viendra Gog et Magog? Allah Ta'ala va lui dire, enfuis-toi. Enfuis-toi avec les croyants et monte sur le sommet d'une montagne. Et il va s'enfuir et rester sur le sommet d'une montagne jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal yani, extermine Gog et Magog, ensuite il redescend. Les savants ont dit, regardez, Isa alayhi salam, un prophète parmi les cinq meilleurs, Khamsa, cinq meilleurs prophètes, et quand il a su qu'il n'avait pas la capacité de combattre Gog et Magog, il s'est enfui. C'est permis. Naam. Donc s'il n'y a pas la capacité, le Qudra, c'est interdit de se rebeller contre un gouverneur, même s'il est mécréant. D'ailleurs, autre question. Le gouverneur se dit musulman et torture. Elle dit à peu près, la question dit à peu près, il y a un gouverneur qui se dit musulman, et malgré cela, il torture. Et il a fait autre chose. Ibn al-Jazayri, est-ce que tu peux me relire la troisième? Torture et faisait autre chose. Très bien. Bon, peut-être qu'il n'est pas là. Ibn Muhammad, est-ce que vous m'entendez ou là, vous m'entendez? Dis-moi, barakallahu fik. Alhamdoulilah. Donc, Ibn al-Jazayri est occupé aujourd'hui, jeudi. En islam, le gouverneur musulman, naam, même s'il te torture, tu dois quoi? Tu dois toujours lui obéir. Pourquoi? Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Pour celui qui veut revenir, qui a Sahih Muslim, il cherche. Où le prophète Aïssa Tsam a dit, tu écoutes et tu obéis, c'est-à-dire au gouvernant. Il a dit, même s'il frappe ton dos, frappé dans le sens de flageolet, hein, même il a dit, s'il frappe ton dos avec le fouet, et t'enlève tes biens. Subhanallah. Enlève tes biens. Autrefois, on torturait en frappant le dos. Maintenant, on torture en faisant mille et autres choses. Malgré cela, tu dois quoi? Obéir et écouter. Pourquoi? Car l'islam, ce n'est pas toi qui choisis. Ce n'est pas toi qui dis, s'il fait cette chose, donc je me rebelle, s'il fait cette chose, il est kafir. Non. Tu as décidé de suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te donne les repères. C'est lui qui te dit, quand est-ce qu'il faut obéir? Quand est-ce qu'il faut te rébeller? C'est pas toi qui commande. Naam. Al-amru kulluhu lillah azza wa jal. C'est Allah azza wa jal qui a le premier mot et le dernier. Le hadith est autre. Même s'il frappe ton dos et te prend tes biens. Il a dit, tu obéis et tu écoutes. C'est pour ça que les takfirés qui ne connaissent pas, par exemple, ce hadith, les trouver dans leur salon tout le temps en train de dire, ils ont pris nos sœurs, ils ont violé ceci, ils ont frappé leur dos, ils ont brûlé celui-là, ils ont tué celui-là, ils ont balafré celui-là, et on bade, on ne sait pas ça, on ne sait pas ce qu'ils font les kuffars, on ne sait pas, même les gouvernants musulmans, on ne sait pas ce qu'ils font, c'est pas la sécurité militaire ce qu'elle fait, on ne sait pas, c'est pas qu'on dit, ils prennent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils lui font, ils lui font pire que ça, mais le hadith a dit. Il a dit, même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, tu écoutes et tu obéis. Allahu Akbar. Donc, ou bien tu te soumis, ou bien tu te révoltes. C'est comme a dit quelqu'un, un khabit, un shaitan, un grand shaitan. Une fois, le frère Abdelmalik Ramadani parlait avec quelqu'un, il lui dit, voilà ce qu'a dit le hadith. Même s'il frappe ton dos et te prend tes biens. Qu'a dit le shaitan? Zama. C'est un takfiri, c'est sûr. Il a dit, ne suis pas prêt à suivre quelqu'un qui avilit, qui m'avilit. Allahu Akbar. Classe, il a fait du coffre celui-là. Je ne suis pas prêt à suivre quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire le prophète. Je ne suis pas prêt à suivre celui-là qui m'avilit. M'avilit, ça veut dire, il me laisse le gouverneur, il me prend mes biens, il me torture et je lui obéis. Là, dis-moi, je n'avilis pas mon âme. Il n'y a pas plus grand avilissement que ne pas se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit, wa in tuti'uhu tahtadu. Il a dit, si vous obéissez au prophète, vous serez guidé. Quiconque lui désobéit, خلاص سي لا بيرديسيون عياذ بالله عياذ بالله. المهم quatrième question, comment conseiller un gouverneur? On va le conseiller comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Il n'y a pas une chose que l'islam ne nous a pas montré. Comment le conseiller? On le conseille comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Cheikh Al-Albani authentifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Men arada, il a dit quiconque en yinsa hadithi sultan, quiconque veut. C'est le prophète qui dit alayhi wa sallam. Il a dit quiconque de gouvernant qu'il le fasse pas alaniyatan, qu'il le fasse pas devant tout le monde. Walakin liqlubi, mais par contre qu'il reste avec lui en tête à tête. Walya'khud biyadihi, qu'il prenne sa main et qu'il lui dise le conseil. Il a dit fa in qabila, s'il accepte biha wa ni'mat alhamdulillah. S'il n'accepte pas, il a dit faqad addayta ma alayk, tu as fait ton devoir. Regardez, il a interdit qu'on fasse un conseil à un gouverneur, un gouvernant, qu'on soit devant tout le monde. Et deuxièmement, il faut être avec lui. Et deuxièmement, il a dit, tu prends sa main avant de parler. Prends sa main, quand je veux parler avec quelqu'un, je veux lui donner une nasiha, fais-le avec ton ami, tu vas voir. Tu veux lui donner une nasiha, prends-le par la main et parle-lui. Il va sentir, il y a quelque chose dans son cœur, quelque chose qui va l'aider à accepter ce que tu vas dire. Quand il sent que tu as mis ta main dans sa main, vos doigts se sont croisés, hein, homme avec homme, sœur avec sœur, il va accepter, yani ça aide à accepter la nasiha. Il va sentir que vraiment tu es proche de lui et que tu lui veux du bien. C'est pour ça que le prophète Hassan, et qu'il lui fasse la nasiha. Ça y est. Maintenant, quelqu'un va dire, où est le gouvernant où je vais le rencontrer, encore moins où je vais lui serrer la main. On va dire, maintenant, ce sont les savants qui sont quoi? Qui sont responsables de cette chose. C'est ça, c'est pourquoi les grands savants ne rentreront pas facilement au paradis si quoi? S'ils ne font pas leur devoir dans ce bas monde. C'est du devoir des grands savants de quoi? De yani, faire la nasiha au gouvernement. Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari que Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu, si oui, n'am, On lui a dit, écoute, toi tu es très proche de Uthman ibn Affan, au temps de Uthman ibn Affan qui était gouvernant. Pourquoi tu ne lui fais pas la nasiha? Pourquoi tu ne fais pas la nasiha à Uthman ibn Affan? Car on l'avait critiqué comme quoi, il mettait certains de ses proches quand il leur donnait des postes. Il a dit, pourquoi tu lui donnes pas la nasiha? Ça a répondu Zayd radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, ah bon, vous croyez que donc, si je ne dis pas que j'ai fait une nasiha, que je ne l'ai pas faite. Donc, vous, toute personne qui doit faire la nasiha, donc elle doit le dire aux gens. Elle doit venir prendre un micro et dire, écoutez, je viens de faire la nasiha à X et à Y et au gouvernement. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas fait. C'est pour cela qu'une fois, Wallah il a dit l'Azim, j'ai lu le Cheikh Fouzan, rahimahullah, le Cheikh Rabbi, hafidhahullah, de Cheikh, je crois, Ben Othaymin, si je n'ai pas oublié, rahimahumullah, j'ai lu que, ils ont dit, de Cheikh Ben Bez, rahimahullah, ils ont dit, Wallahi, qu'on a envoyé des centaines et des centaines, yani de lettres et de miskis au gouvernement. Il a dit, mais, dans la sunna, il a dit, nous, quand on fait ça, on fait ça par adoration. C'est pas par ostentation. On va écrire une lettre, ensuite je vais écrire ma lettre dans le journal. Je vais dire, regardez ce que j'ai dit au gouvernement. Non, je l'ai fait fissabillah, entre lui et moi, je ne suis pas obligé de dire aux gens. Mais puisque les takfir et les khawarij parlent beaucoup d'eux, les dénigrent, ils disent ils ne font pas leur devoir, ils ne font pas nanasia, etc. Il a dit, alors j'ai parlé. Juste pour vous montrer qu'il y en a, il ne faut pas les écouter ces gens-là. Maintenant, vous me poussez à vous dire. Alors voilà, il n'y a pas au gouverneur pour lui dire taqillah dans cette chose, il ne faut pas faire cette chose est haram. Maintenant, s'il écoute, alhamdoulilah, s'il n'écoute pas, il a fait devant Allah Azza wa Jal ce qu'il fallait dire. C'est pour ça qu'en islam, chez Al-Sunnah ou Jama'a, il est interdit de citer un gouvernant comme ça sur le mimbar, monter sur une chaise comme ça devant tout le monde et dire le gouvernant a fait telle chose, telle. Non. Tu as quelque chose à dire au gouvernement, envoie-lui une lettre. Tu peux pas va contacter un savant, dis-lui, voilà, je vous donne cette lettre, donnez-la au gouvernant. Ou alors, va au savant et dis-lui, pourquoi vous faites ça? Ben, ma sihaïk. Il a dit, je crois que c'est la dernière question, est-ce possible de ne pas faire allégeance? J'ai oublié cette question. Est-ce possible de relire la dernière question, inshallah ta'ala? Ibn Muhammad, rak ma'ana ou la makch ma'ana? Dis-moi la cinquième question, barakallahu fik. Alhamdulillah. J'ai perdu toutes les questions, mais si je me souviens bien, la dernière question c'était est-ce qu'on peut ne pas au gouverneur? C'est-à-dire qu'on lui obéit, on ne sort pas contre lui, etc., mais on ne lui prête pas allégeance. Si je me souviens bien, c'est ça la dernière question, chef. D'accord. Et je me rappelle pas ce qu'elle a dit sur la démocratie, la République, je me rappelle pas. Mais je crois que c'est un gouvernant qui suit la démocratie, la République, quelque chose comme ça. Ça? D'ailleurs, en islam, la démocratie, la République, tout ça, ça n'existe pas. Il y a le Coran et la Sunna. Tu suis le Coran, tu suis quoi? Tu suis la Sunna. Reste que les savants font la différence entre deux sortes d'hommes. Celui qui dit la démocratie, la République, c'est halal, c'est permis, c'est comme la charia, il n'y a pas de différence, même s'il dit c'est moins que la charia, mais c'est permis. Dans ceux-là, ils sont dans cette chose, les savants sont unanimes pour dire il est devenu kafir. Et la deuxième personne, c'est la personne qui dit que la démocratie, ce n'est pas, c'est haram. Le halal, c'est ce qu'a dit Allah et son prophète. Mais il l'a fait, il l'a suivi de la démocratie, parce qu'il suit ses passions, ou bien parce que, je ne sais pas quoi. Et les savants font la différence entre ces deux sortes de gens-là. Pour le premier, il dit il est kafir unanimement. Pour le deuxième, il dit il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, Yom al-Qiyamah, c'est lui qui verra, qu'est-ce qu'il fera de lui. Maintenant, si un gouvernant, musulman, et il fait des grands péchés, il a dit si je me rebelle pas contre lui, mais je ne fais pas allégeance. Je lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt et il n'a pas sur le coup une allégeance, c'est-à-dire un gouvernant musulman, s'il meurt, il meurt une mort de l'époque du paganisme. Mitet Jahiliya. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est authentique. Il a dit, quiconque ne fait pas allégeance à un gouvernant, ensuite meurt, s'il meurt, il meurt une mort de paganisme. C'est comme la mort qui était autrefois avant l'islam. Et pour terminer, je veux dire, faire allégeance à un gouvernant, ce n'est pas aller voter pour lui. Ou bien aller chez lui, là, je reconnais que vous êtes mon gouvernant. Ce n'est pas une obligation. Il suffit que ce qu'on appelle Ahlul Halli ou l'Aqd, il suffit que les grands savants et les gens très connus du village ou bien de l'endroit où tu es, eux, qu'ils aillent chez lui et disent que vous êtes notre gouvernant. Parce que ce sont eux qui nous représentent. Le plus essentiel, c'est quoi? C'est connaître que tu as un gouvernant, de reconnaître ça dans ton cœur. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu reconnais, tu as mis l'intention qu'il est ton gouvernant et que tu ne vas pas te rebeller contre lui, Inch'Allah Ta'ala. Très bien. Alhamdulillah. Donc, je vais poser les questions. J'entends pas ce que vous avez, après je ressortirai. Donc, les questions, je les recite de tête parce que j'ai encore été déconnecté, donc je les ai reperdues une troisième fois. Mais de tête, de souvenirs, Yanni. La première question, il y a une sœur qui voulait que vous approfondissiez sur le fait d'avoir une amitié avec un takfir, c'est-à-dire d'avoir un ami takfir, et quand on lui dit que Salafi s'écartait de Ahl al-Bida, ils disent que vous voulez lui montrer le haqq et tout. Et donc, vous en avez parlé, et elle voudrait que vous vous approfondissiez ce sujet, cher. La deuxième question. Nous vivons actuellement en France. Salam alaykoum, cher. Nous vivons pour la plupart tous en France. Donc, est-ce qu'on doit respecter toutes les lois de la France? Et il y a une troisième question, mais en rapport avec celle-ci, une personne demande si elles doivent obéir à toutes les lois aussi, et notamment celles sur le niqab et autres, le hijab à l'école, etc. Donc, autre question. Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. Je suis d'origine marocaine, mais je vis en France. Qui est mon gouverneur? Est-ce que c'est le roi du Maroc? Et si ce n'est pas lui, qui est mon gouverneur? Barakallah. Donc c'est la cécité. C'est la cécité. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Si les personnes peuvent me renvoyer les questions qui sont en rapport avec le cours et que je n'ai pas posées. Barakallahu fikoum. Alhamdoulilah. Pour la personne qui dit que elle a un ami ou elle a une amie de takfir et que yani, il la fréquente juste pour le conseiller ou la conseiller, je dis, non, si cette personne tu la conseilles une fois ou deux fois, ça suffit, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Car quand quelqu'un est takfiri, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment difficile qu'il revienne vers le haqq. Pourquoi? Car pour lui, il a déjà le haqq pour lui. Lui, il dit des versets, des hadiths. Comment yani, je vais lâcher cette chose et revenir? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Je connaissais des personnes, quand j'étais au Koweït, des tekfirs, qui me contactaient quand j'étais pas dans le salon, comme ça, dans les PV, dans les MSN, etc., qui me disaient, yeah, cher, Wallah, c'est impossible de quitter le tekfir. Wallah, yeah, cher. On sait que ce que vous dites est vrai. Et que c'est vrai. C'est ça, ce que vous dites, ce sont que les hadiths. Je sais qu'elles sont nos jamaa. Ce sont eux qui ont raison. Mais il me dit, c'est ancré dans mon cœur. Difficile de le faire sortir. C'est difficile. Toi, Harry, tu n'es pas un savant pour que la tâche, yani, te soit obligatoire de conseiller et de faire la da'wah. Toi, occupe-toi de toi-même. Et deux, tu es marié de ta femme et tes enfants. Ça te suffit. Quant aux autres, donne seulement un conseil comme ça. Si ça ne marche pas, retire-toi. Pourquoi? Parce que tu vas terminer, finir par quoi? Tu vas finir par attraper le virus. Si tu attrapes le virus, trop tard. Donc il vaut mieux quoi? Y aller prévenir plutôt que guérir. Dès maintenant, fermer les portes. C'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que dans le prochain cours, je vais vous citer certaines citations des salafs, comme le Barbahari et les grands, vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient que mon fils fréquente un fornicateur, un soûlard, celui qui joue le jeu des hasards, le qimar, etc. Il m'a dit, accepte pas pour moi, accepte plutôt qu'il fréquente quelqu'un de la bid'a. C'est vrai, pourquoi? Quand il fréquente celui qui fait la fornication, celui qui joue à la loterie, celui qui boit de l'alcool, celui qui fume la drogue. Quand je fréquente ces gens-là, je sais ce qu'ils font et je sais que c'est haram. Et je peux m'arrêter quand je veux. Je dis non, allez, ça c'est haram, allez, je vais prendre la douche, je fais tawba. Mais quand tu as la fitna du côté des ambiguïtés, c'est très difficile. Quand tu as la fitna, si elle est du côté des passions et des tentations, c'est facile. Tu dis Alhamdoulilah. Mais si elle est des côtés des zombies, ikhlas, tu commences à avoir les idées des Habesh, les idées des Tabligh, les idées des Rawafid, etc. C'est très grave. C'est très grave. Alors pour éviter tout cela, ferme les portes. Ferme les portes. Allah Azzawajal ne m'a pas obligé de donner conseil à une personne qui risque de m'égarer. Qui risque de m'égarer. Allah Ta'ala ne m'a pas donné à pas ordonner de lui donner les conseils. Plutôt, le conseil, c'est que moi, je m'éloigne d'elle. Moi, je m'éloigne d'elle. Non. Pour la deuxième question, respecter les lois de la France pour quelqu'un qui est en France. Quand je suis en France, les lois de la France, seulement dans ce qui ne se contredit pas avec l'islam. Quand je suis en France, il y a un sens interdit, je ne brûle pas le sens interdit. Je ne vais pas dans le sens interdit. Il y a un feu rouge, je m'arrête dans le feu rouge. Non, c'est interdit d'aller par là, passer par là, je ne passe pas par là. Et comme ça. Pourquoi? Pour que, yani, il n'y ait pas, pour que, yani, tout marche dans l'ordre. Sinon, je vais brûler le feu rouge, je vais tuer quelqu'un, c'est grave. Ça veut dire que, comment? Je ne devais pas passer, il y a quelque chose qui est interdit, je suis passé, et donc, je l'ai tué sciemment. Mais, toute loi qui se contredit avec ce qu'a dit Allah Ta'ala à son prophète, je la mets sous mes pieds. Je prends la loi et je la mets sous mes pieds, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ceux qui disent maintenant la loi du niqab, la loi, tout ça, je les mets sous mes pieds. La loi du niqab, la loi du hijab, la loi de contre la mixité, contre ce, tout ça, je le mets, bi'idhnillahi ta'ala, sous mes pieds, car c'est contraire à ce qu'a dit Allah Azza wa Jal et ce qu'a dit son prophète. J'ai dit contre la mixité, plutôt le contraire. Ceux qui sont pour la mixité, je veux dire. Naam. Pour la troisième question, pour quelqu'un qui est en France, c'est qui son gouverneur? C'est qui son gouverneur? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Il est dans un pays où il n'y a pas de gouverneur. Il y a le kafir. Je ne vais pas maintenant donner l'allégeance à quand je poserai pied sur un sol musulman, je deviens, alors il est obligé pour moi de donner l'allégeance à ce gouvernant musulman, bi'idnillahi ta'ala. J'ai encore deux questions en rapport avec le cours. Je ne sais pas si d'autres personnes en ont, ils me les enverront un peu plus tard. Quelle est la différence entre le gouverneur qui dit du kufr avec sa bouche et entre un gouverneur kafir? C'est-à-dire à quel moment est-ce que le fait qu'il dise du kufr ou qu'il fasse du kufr le fait sortir d'islam? Et la deuxième question, se comporter par rapport aux manifestations qui ont lieu dans le monde arabe et aux rébellions. Certains de ses habitants, comme les Tunisiens, les Marocains ou autres, disent que c'était nécessaire car ils ont beaucoup souffert avec leur ancien président et que maintenant ça va mieux. Donc quelle doit être notre position par rapport à ça, cher? Wa barakallahu fikoum. En attendant le reste. Les gens de la sunna et du consensus, el sunna ou jama, font la différence avec dire le kufr et celui qui l'a dit. Avec la parole et celui qui a dit la parole. Et font la différence avec celui, yani avec l'acte de kufr et celui qui a fait cet acte. Et celui qui a fait cet acte. El sunna ou jama disent, pour que quelqu'un devienne kafir, pour que quelqu'un devienne kafir, il faudrait quoi? Il faudrait qu'il y ait les conditions et qu'il n'y ait pas d'empêchement. Maintenant, s'il n'y a pas de conditions, ou il y a les conditions, mais il y a en même temps les empêchements. Dans ce cas, ils disent, ce n'est plus, il n'est pas kafir. Ils citent l'exemple. Par exemple, je donne un exemple. La personne qui a dit tout à l'heure, la personne qui a dit tout à l'heure, et Allah, vous êtes mon serviteur. Celui-là, il a dit du kufr. Mais est-ce qu'il est kafir? Non. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça dans un état de joie qui lui a fait perdre quoi? Le discernement. Il ne pouvait plus discerner dans ses paroles. Il disait n'importe quoi. Comprenez? C'est quand quelqu'un qui est sous et qui va vendre quelque chose là, on va lui dire tout ça, c'est nul. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ta raison. Tu dis n'importe quoi. Un moyen. Par exemple, la deuxième condition, par exemple, il faut que cette personne soit majeure. Si un enfant dit du kufr, il n'est pas kafir. Un enfant de 5-6 ans, il va insulter Allah Azza wa Jalla, il n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que la plume n'écrit pas contre lui. La plume, avant qu'il ne devienne pubère, n'écrit que pour lui, pas contre lui. Non. Par exemple, pour que la personne devienne kafir aussi, il faudrait qu'elle sache que la chose qu'elle vient de faire, c'est du kofr. Si elle sait que la chose qu'elle vient de faire, c'est du kofr, et elle l'a fait avec intention, bien elle devient kafir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, si on va entendre une personne qui a dit du kofr, on va voir est-ce qu'elle a rempli les conditions et est-ce qu'elle n'a pas d'empêchement. Un empêchement peut être la contrainte. On peut lui mettre un revolver sur la tempe et lui dire insulte Allah subhanahu wa ta'ala. S'il insulte avec un cœur apaisé, il n'est pas kafir, comme dans le verset qui est clair, yani il l'amène au kriha au qalbuhu mutma'innun bil iman. Naam. Pourquoi? Car il y a un empêchement. Une personne avant de mourir a réuni ses enfants. Le hadith se trouve dans Sahih Bukhari. A réuni ses enfants et il a dit, écoutez, avant de mourir, écoutez, je vais bientôt mourir. Si je meurs, brûlez mon corps. Ensuite, yani, vous allez le moudre. Vous allez le moudre jusqu'à ce qu'il devienne des miettes. Ensuite, yani, prenez le tas de miettes qui est devenu de mon corps. Et choisissez un jour où il y a du vent et allez au bord de la mer et jetez tout ça, jetez ces miettes, ces cendres, jetez les cendres dans la mer. Et pourquoi? Il a dit comme ça, Azzawajal ne puisse pas me réunir. Il a dit car si jamais il peut me regrouper, je vais payer cher. Le hadith dit, quand celui-là il est mort, Allah Ta'ala l'a ressuscité et a regroupé toutes les cendres et il s'est mis debout. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Alors qu'il savait pourquoi, bien sûr. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Akhafatan. Elle a dit, de peur. Yani que je tombe entre vos mains et que, n'ayant rien fait de bien dans ma dunya, que j'aille en enfer, bien sûr. Le hadith a dit, Allah Ta'ala lui a pardonné. Donc, une personne qui dit comme ça, elle a dit, du kofr ou pas? Une personne qui dit que Allah Ta'ala ne peut pas me regrouper. Si vous allez me mettre en cendre, Allah Ta'ala ne peut pas me regrouper. Car s'il croyait, ou là, s'il attestait qu'Allah allait le regrouper, il n'aurait pas joué. C'est un jeu, il dit à ses enfants, brûlez-moi, et après, il sait qu'Allah va le regrouper. Donc pour lui, comme a dit Ibn Taymiyyah, il a dit Ankara, Ankara Qudrat Allah. Il a renié la puissance d'Allah, du fait que Allah Ta'ala regroupe tous les morts et les ressuscite. Et cela, Allah Ta'ala ne l'a pas fait rentrer en enfer. Mieux, il l'a fait rentrer au paradis. Pourtant, il a fait du kofr clair et net. Ça, un mohim. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, les manifestations, etc. En islam, c'est interdit les manifestations. Pourquoi? Les manifestations, c'est la sunna, c'est l'habitude, c'est le mode de vie, c'est des kofars, pas des musulmans. Les musulmans, ce n'est pas comme ça. Ils règlent leurs problèmes. Maintenant, la personne a dit, mais alhamdoulilah, yani, le Zin Abidin est parti, et maintenant il y a mieux que lui, on vient à l'aise, il y a peut-être que même elle va dire, il y a le hijab, il y a le jilbab, on dit, mashallah, nous aussi on est content. On n'est pas content des moyens, mais on est content de les moyens que vous avez faits sont illicites, mais vous êtes arrivé à une fin. La fin, on l'accepte de vous, car la fin dépend de quoi? Du destin. Il n'arrive sur cet univers que ce que Allah Ta'ala a voulu universellement. Et toute chose que Allah Ta'ala a voulu universellement, ça n'implique pas automatiquement que Allah Ta'ala l'a voulu juridiquement. Bon, Allah Ta'ala n'aime pas ces manifestations. Mais, puisqu'il a décrété que ça va donner telle et telle fin, nous on accepte quoi? Le côté universel du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est ravi qu'il soit parti et on est content qu'il y ait maintenant le djibab, le hijab, etc. etc. Non. Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bik muslim. J'ai encore quelques questions en rapport avec le cours, cher. La première question. Qu'est-ce qu'un gouverneur en islam? Donc, quelle est la définition d'un gouverneur en islam? Deuxième question, cher. Un frère m'a contacté, mais comme je n'ai pas l'arabe sur ce Sur ce PC, je n'ai pas pu le comprendre, mais il dit que dans ce hadith, le prophète a.s.w. dit qu'on doit obéir au gouverneur à partir du moment où il gouverne avec le livre d'Allah. Et donc, il dit qu'actuellement, les gouverneurs ne gouvernent pas avec le livre d'Allah, alors comment leur obéir? Troisième question. Comment faire pour réunir les musulmans actuellement? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les koufars, ils ne nous craignent plus. Donc, comment faire pour réunir les musulmans et que les koufars nous craignent de nouveau? Quatrième question, cher. Le prophète a.s.w. a dit de tuer les khawarij où qu'ils soient. Et la question est, qui doit tuer les Khawarij et à quel moment? Est-ce que c'est en période de guerre ou est-ce que c'est quand ils les emprunt? Voilà, si d'autres personnes ont des questions en rapport avec le cours, et je dis bien en rapport avec le cours, vous me les envoyez en PV, barakallahu fikoum. J'ai une dernière question, cher. Peut-on juger un frère de Tekfiri car il a déclaré l'ancien gouverneur d'Égypte kafir, donc Hosni Moubarak, il a déclaré qu'il était kafir. Donc est-ce qu'on... Comment ne juger ce frère qui dit de voilà qu'il est kafir. Donc voilà, cinquième question, et j'attends les nouvelles questions toujours sur le cours. Pour le moment, uniquement sur le cours. Barakallahu fikum. Donc c'est-à-dire sur l'obéissance au gouverneur. Donc ça m'a fait, j'ai pas entendu la quatrième. La quatrième question, cher, c'est sur les khawarij. Dans le hadith, le prophète a.s.w. a dit qu'il faut tuer les khawarij où qu'ils soient. Donc, qui doit les tuer? Donc, est-ce que c'est le gouverneur? Est-ce que c'est chacun d'entre nous? Et en même temps, à quel moment ils doivent être tués? Donc, est-ce que c'est en période de guerre ou ça peut être à tout moment? Et pour la dernière question, Cheikh, sur celui qui rend kafir, il est précisé que c'est un da'ir. C'est quelqu'un qui fait... c'est un prêcheur, c'est pas n'importe qui. Le gouverneur ou là, le gouvernant, c'est celui qui, yani, il a, disons, un pays, ou bien une contrée, ou bien c'est lui qui commande. C'est lui qui commande ce pays. Et il a des sous-chefs comme ça partout dans ce qu'on appelle, par exemple, en Algérie, les wilayas, chez vous, des départements et comme ça. C'est un peu, ou là, c'est plutôt de nos jours ce qu'on appelle. Le président de la République. Non, le président de la République, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ça, voyez, celui-là, celui qui a du pouvoir dans un pays, c'est celui-là le gouverneur. Et lui, il va mettre tout ce qu'il va placer dans l'État, tout ce qu'il va placer lui, tu dois les obéir tant que il ne t'ordonne pas de désobéir à Allah Azza wa Jalla et à son prophète. Mais quand on dit que je dois leur obéir, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de demander yani, mes droits ou de lui montrer, par exemple, s'il y a un maire, par exemple. Supposons qu'il y ait un maire, là où j'habite, il y a un maire. Il faut qu'il y ait un maire. Supposons, par exemple, qu'il me prenne, yani, un morceau de mon terrain sans qu'il sache. Ou là, il y a ni qu'il le sache. Ça veut dire que lui obéir, donc je lui laisse prendre ma terre. Je ne le laisse pas. Je vais chez lui, je lui dis, voilà ce que vous avez fait, vous m'avez fait du tort, ceci, cela. L'islam ne t'interdit jamais de demander ton droit et tes droits. Il te demande seulement de ne pas te rébeller, te révolter et de faire des disputes et de rentrer dans la guerre, devienne une guerre de sectes, une guerre de tribus et comme ça. Voyez, le frère qui a dit qu'il y avait un hadith qui disait que il fallait, il y a un hadith qui dit que le gouvernant qu'on doit obéir, c'est celui qui, yani, qui obéit ou là, qui a le livre d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit celui qui guide d'Allah Azza wa Jalla. C'est à peu près comme ça le hadith que j'ai compris. Non, on lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, d'ailleurs ça viendra dans le prochain cours, des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de hadiths, non, où yani, il est dit que ces gouvernants viendront des gouvernants qui ne juge avec aucun hadith ni avec le livre d'Allah Azzawajal. Il juge avec le dhulm et l'injustice, etc. Et malgré cela, qu'il fallait leur obéir bi-idhnillah Azzawajal. Et on va dire, est-ce que le gouvernant qui va me prendre tous mes biens, il va me prendre ma maison, ma villa, ma ferme, mes voitures, il va me fermer mes sociétés et les donner à la famille à lui. Est-ce que celui-là, il a jugé avec le livre d'Allah? Est-ce que c'est Allah Ta'ala qui lui a dit de faire comme ça? Sûrement pas. Il n'a pas jugé avec les lois d'Allah. Il n'a pas jugé avec le livre. C'est pas Allah Ta'ala qui lui a dit ça. Et malgré cela, le hadith a dit, écoute et obéis, même s'il frappe ton dos et s'accapare de tes biens. Vous voyez, en frappant mon dos injustement, s'accaparant de mes biens, il n'a pas jugé avec le livre d'Allah. Malgré cela, le hadith a dit, obéis, écoute. Obéis, écoute. Naam. Il a dit, comment faire pour réunir les musulmans, etc. Je dis, les musulmans ne se réuniront jamais, naam, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils reviennent vers le din. Comme a dit le prophète, dit, حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Jusqu'à ce qu'on revienne vers le din. Quel din? Il n'y a qu'un seul din. Le din sur lequel était le prophète, alayhi sallam, le din sur lequel étaient les compagnons, le din sur lequel étaient les tabi'un, les enfants des compagnons. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle. Ensuite, ceux qui décrivent les suivants. Ce sont les trois meilleurs siècles. Donc ces trois, les trois meilleurs dans quoi? Dans le din, bien sûr. On n'aura jamais la victoire tant que on n'est pas sur le même chemin qu'eux. Non. Tant que on n'est pas sur le même chemin que ceux-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura jamais la victoire, on n'aura jamais le... Et si jamais on l'a, on l'aura, il ne va pas durer. Un an, 2 mois, 6 mois, 2 ans, il part. Comme il est parti, le califat, au temps d'Espagne, en Andalou. Ah, il est parti. Non, il n'est pas resté. Dès qu'ils ont commencé à faire des grands péchés, il est parti. El Mouhim. C'est pour ça que vous remarquez, regardez par exemple les frères musulmans. Ça fait qu'il essaie d'avoir le califat, Zama, le califat. Il essaie d'avoir le chokm. Il essaie d'avoir les reines du pouvoir. Est-ce qu'ils sont arrivés une fois? Ils sont pas arrivés, ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Ils ne sont pas sur les vraies bases, les bases solides. Regardez le takfir. Regardez les talibans. Les talibans. Allah Ta'ala dit, et a fait sortir les Russes. Subhanallah al-Azim. Vous savez c'est quoi la Russie ou vous ne savez pas? La Russie, avec les armes nucléaires, avec les... Subhanallah al-Azim, la dernière technologie. Et les autres, les Afghans, avec des fusils. Mais c'était avec quoi? C'était avec ce qu'on appelle sous l'égide des grands savants. Cheikh Ibn Othaymin lui-même, Allah yarhamou, envoyait de l'argent, envoyait beaucoup d'argent pour là-bas, et ils amassaient de l'argent, ils les envoyaient pour l'Afghanistan, et ils ont pu vaincre les Russes qui sont partis comme des poules mouillées. Ils ont parti, subhanallah al-Azim. Mais après avoir changé, et après qu'ils se soient changés eux-mêmes, est-ce qu'ils ont pu arriver à l'État islamique? Est-ce qu'il y a un État islamique en Afghanistan? Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont pas arrivés. Pourquoi? Pour des disputes sur les clans et les sectes, vers la fin. Vous savez, j'ai entendu une fois une audio de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah lui-même qui parlait avec Jamil al-Rahman alayhi rahmatullah. Vous connaissez c'est qui Jamil al-Rahman? Un des savants que Cheikh Ibn Uthaymin avait mis là-bas, spécialement en Afghanistan, pour combattre les... Je l'entendais dans la cassette. Il lui disait, alors ça va Jamil? Il lui dit, non là ça va, alhamdoulilah, auparavant c'était difficile. C'est difficile, mais maintenant, alhamdoulilah, les choses commencent à marcher, alhamdoulilah, ça marche très bien. Il lui a dit, qu'est-ce qui était difficile? Il lui a dit, ce qui est difficile, c'est que là, quand on apprend aux gens la aqidah de Ahl Sunnah, On leur dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel et tel attribut. Alors chaque nuit, Allah ta'ala, ceci, cela, il y a les attributs, ils sont contre. Pourquoi? Ce sont des qui? Ce sont des adorateurs des tombes, comme vous savez. Vous savez que les Afghans, la plupart, les vendeurs de l'opium, avec la barbe qui arrive au nombril, ce sont la plupart d'eux sont quoi? Des gens qui tournent autour des tombes et qui font du shirk. Comme le Moulla Omar. Vous connaissez le Moulla Omar? Biographie. Lui-même, il dit que il était déobandi. S'il n'est pas encore déobandi, Allahu alam, déobandi, si vous ne savez pas ce que c'est déobandi, la Aqida déobandi, rappelez-vous de la fin seulement, le mot bandi. Déobandi, oubliez déo, rappelez-vous bandi, c'est un bandi. Un bandi dans la Aqida. Ça veut dire vraiment, yani, s'il était ash'ari, ça aurait été mieux. Déobandi, qui dit qu'il faut ir vers les saints, il faut demander aux morts, etc. A'oudou billah. Al-Muhim. Cheikh Ibn Uthaymin, quand il parlait, rahimahullah, dans la cassette, il lui a dit, Jamil Rahman lui a dit, voilà que, yani, on a des difficultés avec les gens des tombes, etc., etc. Il lui a dit, mais alhamdoulilah, ça commence à marcher, etc. Le jour même où ils ont fait cette cassette, le long, on a assassiné Jamil Rahman, alayhi rahmatullah. On l'a assassiné à cause d'eux. Il était sur le vrai minhaj. Il montrait aux gens Kitab ou Sunna. La aqida des salaf. C'est pas de tourner autour des tombes. La aqida des salaf. Naam. On l'a assassiné ce jour-là. Dites-moi, par Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'assassiner Jamal, avant de le tuer, Jamil Rahman, rahmatullah, on a fait une assise. Les gens, les talibans, ont fait une assise. Ils étaient 10 ou 15 personnes. Ils ont fait comme ça une assise pour le juger. Pour le juger. Et à la fin, ils ont décidé que, yani, il fallait le tuer. Il fallait tuer ce da'ya, ce prêcheur. Vous savez qui était parmi ceux qui étaient assis? Ibn Muhammad. Bon, toi, peut-être tu le sais, je te l'ai dit. Ah Muhammad. Est-ce que tu sais qui était assis avec les gens qui ont condamné Jamil Rahman? Est-ce que tu sais qui? Aïe, vite. Ah Mohamed, tu es là? Si tu es là, dis qui? Tu dis non. Alhamdoulilah, tu es dit. Tu sais qui était assis? Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, que était assis avec eux Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, je jure par Allah le Tout-Puissant, qu'il était assis avec les gens qui ont condamné Jamil Rahman, qui ont dit celui-là, il faut le tuer. Naam. Naam. Ben Laden, Allahu Akbar. Ben Laden qui a passé sa vie. Subhanallah l'adim qui a passé beaucoup de moments à être assis avec Cheikh Ibn Uthaymin, qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé là-bas, il lui donnait l'argent. Chaque fois, il venait prendre de l'argent pour acheter des armes pour là. Et à la fin, quand il est devenu takfiré, et il a fait le takfir des musulmans et des hukam, etc., Cheikh Ibn Uthaymin et tout le monde s'est désavoué de lui. Et il est arrivé au point de condamner, d'être présent pour la condamnation de Al-Sunnah ou Jama'a. Taïeb, qu'est-ce qu'elle dit aussi ici? Non, pour la personne qui a demandé que si une personne dit que Moubarak est un kafir, est-ce que c'est un takfiri ou pas? J'allais lui dire, on va voir. Si c'est quelqu'un de la masse, c'est un jahil, on lui dit, tu te trompes. C'est pas toute personne qui fait telle ou telle chose, ça dirait des kafras. C'est pas comme ça. S'il dit j'ai de la science, etc., c'est autre chose. Alors là, la personne a dit que c'est un prêcheur. C'est un savant peut-être même. Qui a dit que yani, c'était un kafras. Donc celui-là, c'est un takfiri à 200%. Le prêcheur qui a dit que Hosni Moubarak est kafras, et quoi? Est un takfiri à 200%. 200%, pas à 100%. Et enfin, qui dit. Non, le hadith que les khawarij, vous savez, il y a un hadith sahih, même beaucoup, même dans Sahih al-Bukhari, qui disent que les khawarij sont les pires des créatures que Allah Ta'ala a créées. Le hadith a dit, « Sharru khalqin tahta adim sama » la pire des créatures sous les cieux. Il a dit, « Tuez-les. » Si je vis, je les tuerai. Il a dit, tuez-les, combattez-les. Quiconque les tue, s'il les tue, il meurt et il sera en enfer. Et si lui, il est tué par les Khawarij, il ira au يعني les morts martyrs. Et dans ce cas dit, quand je lis ce hadith, j'ai un peu peur. Hein? J'ai un peu peur. Il a dit, alayhi salatu wasalam, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il a dit que les Khawarij yani, resteront jusqu'à la fin du monde. Il a dit à chaque fois qu'ils font sortir une corne, Allah Ta'ala leur coupe la corne. Il a dit jusqu'à ce qu'ils viennent avec qui? Devinez avec qui ils vont venir à la fin du monde. Avec qui ils vont venir? Il a dit, alayhi salatu wasalam, jusqu'à ce qu'ils viennent avec l'armée de l'Antéchrist, l'armée de Messie Dajjal, a'oudou billah. Les Khawarij, leur fin, a'oudou billah, ils viendront pour combattre les musulmans et sunna ou jama'a. Ils viendront avec le Messie Dajjal. Pourquoi? Car ils n'ont pas de science. Ils ont seulement des ambiguïtés. Quand ils vont voir le Messie Dajjal, il a dit, c'est moi, je fais tomber la pluie, je tue et je ressuscite un enfant, etc. Ils vont dire, donc c'est lui. Ils vont venir avec lui combattre les musulmans que Allah Azza wa Jal yani, nous préserve. Que Allah Azza wa Jal nous préserve. Dernier hadith ou la dernière question. Puisqu'il y a un hadith qui dit combattre les Khawarij, qui doit les combattre? Celui qui doit les combattre, c'est le gouvernant. Ce n'est jamais moi, ce n'est jamais toi. On ne va pas faire la guerre des rues, la guerre des quartiers. Chacun va prendre une arme et il va dire celui-là, c'est un Khawarij, je vais le tuer. Alors que Meskin, il n'a rien de Khawarij. C'est un débutant dans le din, ou là c'est un nouveau reconverti, ou là c'est un djihad qui ne connaît rien, il a dit une phrase, toi tu as cru que c'était takfiri, tu as dit que là c'est un Khawarij. Non. Donc c'est le gouvernant qui quoi? Qui va décider, hein, il va leur préparer une armée et va les tuer. Bi'idnillahi subhanahu azza wa jalla. Tafadhal. Ibn Muhammad. Tu es là, Inch'Allah. Muslim, Akh Mohamed, il y a quelqu'un? Donc je comprends qu'il n'y a plus de questions, c'est ça? Asma, Ibn Mohamed a aujourd'hui des invités. Je sais c'est quoi son problème. Non, il a des invités. Il aurait dû vous donner des questions, bi'idhnillahi ta'ala. Il aurait dû lui vous donner des questions, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Sinon, on prend les cinq premiers qui ont la main levée. Sinon, vous prenez les Fadlal ibn Mustafa. Donc, il était occupé à Bounsé. Il vient de Bounsé les 19 oiseaux. Les 19 oiseaux. Si au moins il avait laissé, il avait fait sortir un seul oiseau. Direct 19. Bousser 19 à la fois. Non. Peut-être que Allah, peut-être que Akh Mohamed est de l'avis que c'est interdit d'avoir des oiseaux à la maison. Non. Peut-être qu'il dit que c'est pas permis. Hein? Alors, pour rappel, là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un enfant dans Sahih Bukhari. S'appelle Abu Romain Sakounia. Il lui a dit Abu Romain Nourail. Il lui a dit qu'a fait le petit oiseau que tu avais. Parce que son petit oiseau était mort. Il lui a dit qu'a-t-il fait? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Et de ce hadith, après Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a dit donc c'est une preuve que c'est permis d'avoir un oiseau à la maison. Il a dit sinon, comment cet enfant l'avait-il? Donc c'est une preuve que on peut. Comment qu'on dit le verbe? Rappelez-moi le verbe. J'ai oublié le verbe. On ne va pas dire... Comment on dit en arabe? Rabbe. C'est garder un oiseau, non? Apprivoiser, d'accord. Apprivoiser un oiseau. Taïb. Qu'il y a une question ou la khlasou? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, j'étais ouvert le PV... Ah, sur le... Ah ouais, non. Ah, j'étais ouvert le PV. Ah, mais cher, pour apprivoiser, on va plutôt l'employer dans le sens où un animal qui reste souvent avec nous, comme un perroquet, etc. Là, on va plutôt parler d'apprivoiser. Après, pour un oiseau en cage, etc., on va plutôt parler d'un animal domestiqué. Donc je vous lis les questions, Inch'Allah, cher. Salam alaikum, ya cher. Barakallahu fekoum, en ce qui concerne le lavage mortuaire, des fois, on trouve dans la bouche un dentier. Est-ce que l'on doit l'enlever ou le laisser? Et aussi, cher, en France, quand ils expatrient le mort, ils le mettent dans un cercueil, genre de boîte avec des coussins à l'intérieur, etc. Est-ce que l'on sait est-ce que l'on sait on doit, si l'on doit couvrir avec le linceul, et des fois les familles s'opposent car leur cousin au bled veulent le voir car il y a une vitre et ils l'enterrent avec ce cercueil. Que faire dans cette situation où la famille s'oppose à couvrir son visage? Est-ce que l'on peut faire ça la janaza car on ne sait jamais, peut-être l'avion va s'écraser et que personne n'a prié sur lui, quel est l'avis le plus authentique, barakallahu fekoum. Par contre, cher, est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. Question suivante, Inch'Allah. Je prends, salam alaikum, cher, je prends le Seigneur des mondes en témoin que je vous aime pour lui. Cher, je suis un petit peu perdu. À un moment de ma vie où je ne priais pas, j'étais avec une fille. Qu'Allah me pardonne. Puis j'ai commencé à prier et je continuais à la voir, à la fréquenter. Puis Allah m'a fait connaître le minhaj, qui m'a changé. Je n'ai plus voulu de cette fille. Entre parenthèses, plus le même but dans la vie. Alors depuis, cette fille souffre énormément. Elle dit que je suis un menteur et que je me suis moqué d'elle. Voilà, en fait, j'ai entendu dans un dars que quand Allah dit qu'il pardonne, ceci ne concerne que les péchés entre nous et Allah. Pas où il y a des autres personnes, sinon il faut que cette personne nous pardonne aussi. Quel est mon sort, cher? Barakallahu fikoum. Non, afwan. Quel est mon sort, cher Allah? Barakallahu fikoum. Question suivante. Combien cher, qu'Allah vous préserve, voici ma question. Est-ce qu'il est permis de garder le doigt du tashahhud levé pendant le salam final? Exemple, quand c'est le tashahhud de la dernière raka'a, on garde le doigt levé et on fait le salam sans abaisser le doigt. Donc sans baisser le doigt, barakallah fait combien cher, qu'Allah vous récompense. Question suivante, salam alaykoum cher. J'ai lu les arguments des deux avis concernant le niqab et j'ai été convaincu par l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui a supposé de Ibn Abbas sur le fait qu'il aurait dit, pour le verset concernant le djilbab, qu'il fallait couvrir le visage et laisser apparaître qu'un œil. Cheikh Al-Albani a prouvé que ce hasard n'est pas authentique et que les savants utilisaient à tort ce hasard. Et le Cheikh a aussi prouvé que la femme en état de sacralisation pendant le Hajj, Aïcha radhiallahu anha a dit que la femme pouvait couvrir son visage si elle le voulait. Or, les pro niqab dissimulent cette parole de Aïcha et tentent de faire croire par le fait que Aïcha se couvrait le visage en présence de voyageurs que ce serait une preuve de se couvrir le visage. Or, il n'en est rien puisque Aïcha a dit que la femme peut couvrir son visage si elle le désire. Personnellement, je suis étonné que ces arguments sont dissimulés aux musulmans. Cher, ces arguments, on les retrouve dans le livre de Cheikh Al-Albani, dans Ar-Rad El-Mufhem. Cher, connaissez-vous ce livre et qu'en pensez-vous? Et aussi, si les hadiths faibles, on ne les attribue pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors pourquoi ceux qui sont pro-niqab attribuent le hasard inauthentique à Ibn Abbas? J'avoue que je suis dans l'incompréhension, d'où mon grand grand étonnement. Barakallahu fikoum. Et dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Qu'Allah vous augmente en degré. Que répondre aux égarés qui critiquent les savants saoudiens et qui disent que les vrais ulama sont en prison parce qu'ils ont osé critiquer les gouverneurs qui se sont associés aux Américains? Je pose une. Non. Atfadashir. Je commence par la cinquième pour ne pas la noter. Ceux qui disent comme ça sur les savants, en fait, ce sont des gens qui ne connaissent pas les savants, c'est tout. Wallah l'adhim, que s'ils connaissaient les savants, ils savaient ce que font les savants entre les gouvernants, Wallah l'adhim, qu'ils n'auraient pas dit cette chose. Je jure par Allah Ta'ala que lorsque Cheikh Ben Baz était vivant, alors que c'était un aveugle, ça, que yani, lorsqu'il était ministre, que lorsque venait le roi, et que si jamais il y avait quelque chose, que c'était lui toujours qui parlait, et que le roi lui-même faisait signe aux autres, yani, de se taire et de le laisser parler, tellement il a peur de lui, tellement il sait que yani, il n'a pas peur en Allah Azzawajal de dire son mot, sans parler des autres savants que j'ai cités tout à l'heure, qui correspondaient yani, presque tous les jours avec yani, le gouvernement, et lui envoyaient des lettres de conseil, des lettres d'avertissement, des lettres de ceci, de cela, pour que, yani, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, ils ont fait leur devoir envers Allah. Et Allah, moi je ne détiens pas leur cœur. Moi je lui ai envoyé une lettre, je lui ai dit, taqillah, ça c'est haram, il ne faut pas juger avec ça, il ne faut pas faire cela. Il n'a pas voulu m'écouter, je ne peux pas, yani, je n'ai pas d'influence sur les cœurs. Je n'ai pas d'influence sur les cœurs. Et ceux qui disent que les vrais savants, ce sont ceux qui sont en prison, il est possible qu'il y ait des gens de Ahl Sunnah ou Jama'a qui soient en prison. Il est possible. Ça, yani, ça arrive. Mais, là, yani, qui sont en prison, des gens qui font la da'wah, etc., ce sont soit des ikhwan, soit des takfir, soit des khawarij. Non. Sauf ceux qui, yani, on les a pris comme ça, disons, de faute. Parce que des fois, l'État, des fois la police, des fois, ne fait pas bien la différence entre qui est salafi et qui ne l'est pas. Quelqu'un barbu, avec un kamis, etc., c'est un terroriste et on le jette en prison. Sinon, naam, je dis, la plupart qui sont en prison, naam, car la prison, des fois, c'est l'école de Youssouf alayhi salam. Ça, Youssouf alayhi salam, il a passé combien? 7 ans en prison. Ça, c'est yani, une épreuve d'Allah Azza wa Jal pour qu'il monte en degré. Mais des fois, la prison, des fois, c'est un iqab. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ici un iqab, te donne une punition, il va te mettre en prison. Toutes les personnes qui font la da'wah fausse, qui la font fausse, pas sur le minhaj, pour moi, c'est un châtiment pour eux. Pour Allah subhanahu wa ta'ala les mettre en prison pour qu'ils cessent un peu de faire, yani, égarer les gens, et que peut-être là-bas, ils vont méditer un peu et revenir vers le Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le dentier, ce n'est pas obligé de l'enlever. Pour le dentier, quand on trouve chez le mort, on ne le lui enlève pas. Naam. C'est comme s'il a, par exemple, je ne sais pas, il a fait une opération. Là, on lui enlève pas la chose. Naam, on la laisse tant que, classe, yani, elle fait partie de son corps. Maintenant, si le dentier comprend des dents qui sont chères, qui sont par exemple de l'argent ou bien de l'or, on ne les laisse pas. Mieux encore, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, quand on va enterrer quelqu'un, on est en train de laver par exemple, on a vu qu'il a des dents en or. C'est pas un dentier. J'ai dit maintenant, le dentier, j'ai donné son statut. S'il ne contient pas des dents d'or ou bien d'argent, on le laisse. Si c'est de l'or ou l'argent, on enlève le dentier. Maintenant, je parle d'un mort qui a des dents, de vraies dents, et il a, parmi ses dents, il a par exemple des dents en or. Naam. Il a dit, on ne doit pas lui laisser cet or. Pourquoi? Car l'islam a interdit qu'on jette l'argent par la fenêtre. Il va partir. Il va partir sous la terre. Il va rester des années, des millions d'années sous la terre, yani, sans utilité. Sans utilité, c'est comme si on a jeté de l'or, on a pris de l'or et on l'a enterré sous la terre. Il a dit, on demande aux héritiers, est-ce que vous êtes d'accord, on se met tous d'accord, qu'on laisse cet or chez lui, ou bien vous voulez qu'on le prenne et qu'on le partage. Qu'ils disent, on veut qu'on le prenne, il a dit, on lui enlève les dents qui sont en or. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, sauf si, écoutez bien le si, en lui enlevant on voit que ça ne marche pas et qu'on risque de yani, tout lui détruire. On risque de lui détruire sa bouche et il va y avoir du sang qui va couler, etc. Il a dit, dans ce cas, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux les laisser. Mais si les héritiers disent, on a besoin de cet or et qu'on peut l'enlever facilement, ou bien avec quelqu'un spécialiste qui sait comment les enlever, il a dit, on lui enlève cet or. Non. Maintenant, pour la personne qui a dit qu'elle m'aimait en Allah, je lui dis que puisse Allah Azzawajal t'aimer en lui. Comme pour le teshahoud, quand quelqu'un fait le teshahoud, il ne s'arrête pas du teshahoud, comme a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, jusqu'à ce qu'il ait envie de dire salam. Dès que il se prépare, il va tourner la tête pour dire salam alaykoum, il descend son doigt. Il ne laisse pas son doigt comme ça. Il y a ni point, il y a ni, on dit avec, il le pointe et en même temps il dit salam alaykoum. Mais il le descend, il dit salam alaykoum. À la dernière seconde, bi'idhni ta'ala. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a fait une bid'a très connue chez certains gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que quand ils commencent tashahhud, ils disent tahiyatullah, ils bougent le doigt. Tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah, salamu ala nabi, rahmatullah, barakatuh, salamu alayna wa ala ibad la salihin. Il est en train de tourner le doigt. Ensuite, il arrive, wa shahadun la ilaha illallah. Il arrête. Il arrête de bouger son doigt, il le pointe. Shahadun la ilaha illallah, wa shahadun Muhammadan abdu wa rasul. Il arrête. Ensuite, il commence à le rebouger. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, comme salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Il bouge. Il a dit ça, c'est une bid'a. Depuis qu'on commence, tous les mots, tahiyatulillah, déjà on commence à le pointer et à bouger. On bouge à peine, il a dit, à peine du haut vers le bas. À peine. Comme si on ne peut pas voir que tu es en train de bouger si tu ne m'approches pas bien de toi. Je fais monter et descendre à peine. Non. Et je n'arrête pas de pointer vers la qibla mon doigt et de faire bouger jusqu'à ce que yani, je me prépare à dire salam. Quand je dis salam, je le descends. Non. Yani, juste avant de dire, je le descends pour dire salam. Non. Je crois que c'est la dernière question. Parler de niqab et qu'elle ne comprenait pas des choses, etc. Je dis, elle a parlé du livre, Raddul Mufhim. Elle a dit, si je le connais, ce livre, je l'ai lu. Non, ce livre, je l'ai lu, le titre, son titre est très long, très long, au moins deux phrases qui sont le titre. Raddul Mufhim ala man, je sais pas ce qu'est, ta'assab, et il a dit, et waqala inna niqab fard, wa lam yaqtani bi qawl al-ulama annahu mustahab. Tout ça, c'est le titre du livre. Non, je dis que ce livre n'est pas très grand, juste quelques pages trentaines. Il a cité beaucoup de dalils que le niqab n'était pas obligatoire et que tous les hadiths qui sont venus sur le niqab et toutes les asars qu'il y a sur les femmes du prophète qui mettaient le niqab, etc., que c'était une chose, naam, yani, de recommander, c'est tout. Il a dit le fait que Aïcha mettait le niqab, là, ça ne veut pas dire que c'était obligatoire. Il a dit c'est seulement mustahab, c'est vrai. Il a dit c'est pourquoi. Et pourquoi lui, l'Albani, rahimahullah, ses femmes mettaient le niqab. Alors que c'est l'un des grands yani, défenseurs, de ceux qui défendent l'avis qui dit le niqab n'est pas obligatoire. Et pourtant, toutes ces femmes ont le niqab. Pourquoi? Parce qu'ils voient que yani, c'est seulement quoi? C'est seulement recommandé et ce n'est pas obligatoire. J'oublie pas de vous dire que c'est juste une faïda, que les quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed Mohamed, les quatre sont unanimes pour dire que le niqab n'est pas obligatoire. Mais si maintenant il y a une femme est belle, ou bien, par exemple, elle vit dans un pays comme ça, mécréance, etc., je crois que ce serait recommandable pour elle de cacher son visage, yani, pour que les kuffars, yani, ne se réjouissent pas de voir son visage. Surtout pour moi, Allahu alam. Surtout quand une femme se marie. Non. Maintenant qu'elle est mariée, elle cherche quoi en montrant son visage? Elle cherche yani, à plaire à qui? Donc elle est mariée, il vaut mieux qu'elle le mette. Mais je ne dis pas que c'est obligatoire. Si elle est d'avis, de l'avis qui dit c'est pas obligatoire, je ne le mets pas, je ne le mets pas, ne le mets pas. Non, je ne la force pas. Il n'y a pas là tant que ce n'est pas obligatoire. Voilà, Inch'Allah, on va arriver ici. Quand la sœur dit pourquoi il y a des hadiths, sur le hadith est faible, etc., et les autres le cachent, etc., je dis Allah subhanahu wa ta'ala, je ne pense pas qu'une personne puisse arriver yani, à cacher un délit, sinon elle va rentrer yani, dans quelque chose de très grave. Quelque chose. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fi kitabihi Allah wa il'anuhum la'inun. Cela devient yani, maudit par Allah Ta'ala et par ceux qui maudissent. Celui qui sait une chose et il la cache pour ne pas la montrer. Mais je crois que pour eux, ils croient que c'est un hadith authentique. Pour ces gens-là, des fois le hadith, ils croient qu'il est authentique, alors que par exemple, pour Cheikh Al-Albani, il n'est pas authentique, par exemple. C'est pour ça que yani, il ne parle pas de ce délit. Pour le hajj avec le niqab, Cheikh. Naam, le hajj avec le niqab, c'est interdit. Le hajj avec le niqab, c'est interdit. Mais pour celles qui ont pris de l'avis que le niqab est obligatoire, il faudrait qu'elles mettent quelque chose sur la tête qui descende sur le visage sans que ça colle. Sans que ça colle sur le visage. Vous comprenez? Car des fois, si elle met ce que font certaines femmes et qu'on appelle niqab, niqab, c'est quelque chose qu'on met, naam, et on laisse voir les yeux et ça colle sur les joues. Ça colle sur les joues. Alors c'est interdit. Pourquoi? Car elle s'est... Non, mais ce qu'elle peut mettre par contre, c'est quelque chose qui descende de sur sa tête et qui est pendante, qui ne colle pas à son visage, mais qui est comme ça, pendante, et à chaque fois qu'elle est loin des hommes, elle met l'autre sur sa tête, et quand il y a des hommes qui arrivent, elle le fait redescendre, bi-idhnillah subhanahu azza wa jalla. Avez-vous quelque chose pour qu'on finisse? Tfadla, je vous donne le micro. D'accord, alors, barakallahu fikoum. Et la fois passée, subhanallah l'azim, bon, aujourd'hui c'est mercredi. Si je me trompe, reprenez-moi. J'ai dit aujourd'hui que c'était mercredi parce que ces temps-ci, je n'ai plus la notion des jours. Surtout pour quelqu'un qui ne travaille pas, vous savez, il ne sait plus si on est lundi, si on est dimanche. Si... La fois passée, c'est-à-dire samedi, j'ai fait un cours sur le deuxième fondement. Alors qu'en fait, mais c'est l'explication de Riyad Salihin, les jardins vertueux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le deuxième fondement et personne ne m'a fait la remarque. Mais c'était prédestiné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait aussi le troisième fondement pour yani, qu'il n'y ait pas de décalage. Comme ça, samedi, Inch'Allah ta'ala quoi, yani, Riyad Salihin. Sauf si samedi prochain, je vais croire que c'est mercredi. Sauf si samedi, je vais croire que c'est mercredi. Donc, si je commence le cours, si je commence le cours avec les fondements, sachez que j'ai perdu la boussole. Hein, pour me rappeler, voilà. Pour me dire, écoutez, on est samedi, barakallahu fikoum, on est mois d'octobre 2011, vous êtes en Algérie, hein, on est en France, c'est un cours. Hein, vous êtes en train de faire un cours dans le din. Il se peut que je me trompe, je parle je ne sais pas quoi, football ou je ne sais pas. Il faut me nommer. À cet âge, voilà. À cet âge-là, on commence à perdre un peu la boussole. Hein. Ou bien, Inch'Allah Ta'ala, yani, il faut m'aider, Inch'Allah Ta'ala, pour que je ne déraille pas. Tayyib, sur ce, que Allah Ta'ala vous préserve et raffermisse votre foi, raffermisse vos cœurs et vous aide à être sur le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, jusqu'au jour de la résurrection, au jour où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce jour-là, naam, ne sera gagnant que celui qui a suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, puisse Allah azza wa jalla vous aimer comme vous m'avez aimé en lui. Et subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ne vous laissez pas, surtout vous êtes là-bas dans un pays de coffre. C'est yani, un peu vraiment difficile pour vous. Ne vous laissez pas yani, gagner par les tentations, hein, surtout les fitnas. Dites-vous, c'est seulement des jours. Voilà, aujourd'hui, demain, après-demain, ensuite, tu vas te trouver dans ta tombe. Et encore, si tu vas vivre demain, après-demain, on ne sait jamais. Peut-être d'ici une demi-heure, un tremblement de terre, on meurt. Peut-être un accident, un arrêt cardiaque. Moi, seulement cette semaine, deux amis à moi, c'est-à-dire un ami ou les deux, m'ont raconté que deux amis à eux ont fait un arrêt cardiaque. Subhanallah, tu étais malade? Il me dit non, Wallah, il n'était pas malade, pas du tout, jamais malade. Et le cœur s'est arrêté. Donc le cœur, ce n'est pas nous qui le commandons. D'une minute à l'autre, d'une minute à l'autre, Wallah, qu'il peut s'arrêter. Même moi, des fois quand je dors, des fois quand je suis sur mon côté gauche, j'entends mon cœur. Quand je suis tout seul dans la chambre, je l'entends tac, tac, tac, tac. J'ai un peu peur. Tu diras, ou pas que j'entende mon cœur. Tantôt, je vais me tourner de l'autre côté, c'est mieux. Pour oublier qu'il peut s'arrêter et je peux avoir des osouesses. Là. C'est pour ça que je crois que la sunna, c'est de dormir sur le côté droit. Peut-être c'est pour oublier qu'il y a la mort. Enfin, sinon, on ne va pas dormir. Ah. Donc, à Osmo, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, à samedi, Inch'Allah Ta'ala. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.